Bon bah du coup on est super content de vous accueillir à la Griffe pour un débat autour du livre de Aude Vidal. Un débat sur son petit livre qui s'appelle Égologie. Alors écologie, individualisme et course au bonheur. C'est un tout petit livre qui se lit très rapidement, qui va à l'essentiel et qui a un aspect plutôt pamphlétique, c'est-à-dire que en gros, elle passe pas par quatre chemins pour désigner ce qu'elle voit comme des problèmes à la manière dont on peut essayer de vivre et mettre en pratique l'écologie, quoi, aujourd'hui. Et j'ai pris plein de petites notes, alors je vais essayer de les dire sans aller trop... sans trop parler, mais... En gros, moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est y a une question qui se joue autour du libéralisme et de l'individualisme, qui sont des idéologies qu'on sait aujourd'hui très très fortes dans notre société, et qui sont des idéologies qui, pour moi, se raccordent beaucoup au néolibéralisme, en fait. La culture de soi, le soi qui devient entrepreneur, le capital humain, en fait, qui est utilisé notamment dans les relations sociales qu'on peut avoir avec les autres. Et elle pointe du doigt pas mal de petites choses qu'on pourrait reconnaître dans plein de mouvements qu'on voit un peu autour de nous. Des mouvements qui seraient, par exemple, comme tous ceux autour des colibris, là, chacun fait sa part. Tous ceux autour des mouvements un peu alternatifs. Alors bon, je pense un peu à Alternativa quand je vois ça. Autour aussi peut-être un peu du film Demain, qui pour moi a posé un certain nombre de problèmes... je sais même pas comment qualifier ce film, tellement il m'a frustré d'un point de vue de l'émancipation justement collective. Voilà, du chacun fait sa part, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est en gros elle a posé un certain nombre de constats, comme par exemple l'écologie qui deviendrait quasiment une sorte de spiritualité qui serait complètement détachée d'aspects matériels, une sorte d'idéologie du bien-être où on cultive ça en fait, et ça a un certain nombre d'incidences sur les liens sociaux, et elle parle à un moment donné notamment des liens sociaux super lâches qu'on peut retrouver dans notre société, où on va choisir les gens en fonction de ce qu'ils vont nous apporter à nous dans notre bien-être, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cette idée... ça y est, j'arrive plus à respirer. Cette idée que l'écologie, ça serait cette spiritualité... je vais y arriver. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais bon. Qui permettrait de se... Alors j'ai noté des choses parfois, se déprendre de ce monde social indigne, mais qui serait quelque chose qui serait pas du tout subversif, pour le coup, qui serait plutôt un régime d'explication. Alors j'ai refait des fois ce que t'es grivé. Un régime d'explication dépolitisé qui n'a pas de portée émancipatrice contre les dominations qui seraient structurelles. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui que... Enfin, moi, pour le coup, j'ai une vision assez foucaldienne de la société où il y a l'idée qu'il y a des structures, et notamment des forces qui proviennent de l'État, qui permettent de conduire la conduite des individus et qui nous mènent à agir dans un certain sens. Et en fait, l'écologie, finalement, permettrait juste au capitalisme de continuer à exister, notamment parce que ça serait l'idée que le capitalisme se nourrit de ses marges et que l'écologie et tous les mouvements alternatifs qui l'entourent, où chacun essaye de faire sa petite part de manière individuelle, ne ferait que renforcer en fait ce système-là. Moi, je l'ai lu un peu comme ça, mais bon, après tu me diras si pour toi ça voilà. L'idée que tu dis que c'est un outil d'acceptation sociale, notamment d'acceptation du monde qui est aussi autour de nous. Une idéologie positive de la gratification individuelle. Cette phrase, j'avais bien aimé. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait aussi toute cette idée, à un moment donné, tu parles aussi du monde de l'entreprise, et notamment toutes ces formes qu'il y a où on va se mettre à essayer de créer des bonnes conditions pour les gens dans leur milieu de travail, pour qu'ils se déstressent, mais qui, quelque part, visent simplement à augmenter la productivité de l'entreprise. Et du coup, ça m'avait beaucoup fait penser à un bouquin qui s'appelle « Les sentiments du capitalisme » de Eva Illouz. Et c'est un bouquin qui pointe le doigt sur comment, en fait, dans les méthodes managériales, ils ont utilisé, en fait, un certain nombre de techniques, justement, du bien-être pour mettre à l'aise les gens dans l'entreprise, etc. Et je vois là un peu une continuité de ce qu'avait proposé Eva Illouz. Après, il y avait quoi ? Oui, cette idée que... du coup, les... ces mouvements-là, un petit peu du bien-être, etc., sont plus orientés vers le marché que vers l'organisation collective, en fait, et qu'on va justement donc exploiter le capital humain. Et ça, c'est vraiment, on est vraiment dans l'idée du néolibéralisme, quoi, de cette idée que qu'on est un entrepreneur de soi, qu'on doit savoir saisir les opportunités. À un moment donné, tu le dis bien. Et tu dis plein d'autres choses. À un moment donné, tu dis syndrome du bien-être, relais d'une idéologie triomphante qui surresponsabilise les personnes et désamorce les conflits. Et cette idée, en fait, que finalement, les conflits, on va les éviter. Parce que ça fait pas partie de tout ce truc du bien-être, etc., que met en place un peu cette écologie alternative, etc. Voilà, quoi. Et pourtant, les conflits sont bien présents, quoi. C'est ça. Donc, il y a un certain nombre d'alternatives qui, finalement, nient des conflits et nient cette possibilité, à un moment donné, de s'opposer à des choses qu'on ne veut absolument pas. Et ça me fait penser un peu... moi, pour le coup, le mouvement de la ZAD, là, qu'on sait qu'il y a une fin plutôt heureuse pour certaines personnes, même si c'est pas fini, parce qu'il va y avoir toute une lutte autour des terres, etc., bah, il y a cette idée qu'il y a des gens qui, engagés d'un point de vue de l'écologie, se sont engagés politiquement dans une lutte face à l'État et ont quand même tenu bon. Enfin, c'est quasiment 10 ans de lutte, quoi. Et moi, on pourra peut-être en parler, etc., mais il y a des choses intéressantes là-dedans qui ont fait se mêler les gens, les luttes, etc. Puis tu parles des rapports de genre, de cette idée encore biologisante des sexes où on est un peu complémentaires, mais on va vivre en harmonie grâce à ça. L'homme toujours viril, la femme toujours qui fait des bébés, qui fait, je sais pas, toutes ces choses-là, quoi. Et ça m'a fait tout de suite penser à Pierre Rabhi, quoi, et son truc où il disait, il faut un papa et une maman pour faire des enfants, etc., en niant totalement la réalité sociale vis-à-vis de ça, quoi. Je sais pas, je vais aller vite, hein, mais tu parles du do it yourself, qui est une volonté de toute puissance individuelle, qui ne vise pas à l'autonomisation ou à l'autosuffisance, et tu parles de Castorama contre Castoriadis. Alors bon, ça, il faudra que tu nous en dises un peu plus. Et puis oui, tu parles des jardins partagés, des rapports de pouvoir, en fait, des rapports de classe, en fait, comment à un moment donné, dans les milieux urbains, c'est clair que les jardins partagés, toutes ces initiatives un peu urbaines de l'écologie visent un certain type de population et renforcent, en fait, finalement, une population plutôt bourgeoise, malheureusement, hein. Enfin, moi, je me compte dedans au final. Et tout de suite, moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires au niveau de l'écologie, quoi? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se font, etc.? Et c'est clair que, j'en suis pas certaine. Enfin, bon, bref, voilà, quoi. Et puis, ce refus à travers ces alternatives aussi de se frotter à la négativité du monde. Et c'est clair qu'on peut pas vivre que dans un monde de bisounours. On sait que ce qui nous entoure parfois est très violent et qu'il faut peut-être poser des gestes pour pouvoir lutter contre ça. Donc des gestes qui seraient forcément politiques et des gestes qui forcément amèneraient aussi à... Alors, je pense que ton bouquin, il est pamphlétique au sens où il s'adresse à nous. Moi, quand je l'ai lu, des fois, je me suis dit, c'est chaud quand même. Et que du coup, ça permet aussi de se remettre en question et d'essayer de puiser peut-être en soi et entre nous des moyens de faire les choses plus collectivement, de viser à, non pas à son bien-être individuel, mais à un bien-être qui serait peut-être plutôt collectif, mais qui ne nierait pas justement toutes les dimensions négatives qu'il y a autour de nous, qu'il faut absolument combattre, quoi. Voilà. Bah, du coup, je le finis un peu comme ça, mais voilà, moi j'ai vraiment aimé, les gens autour de moi ont vraiment aimé, ils se sont posé plein de questions sur eux-mêmes, et je pense que s'il apporte une chose, c'est ça, et ça permet de sortir de soi, d'être moins individualiste dans la manière dont on voit l'écologie, de penser que le yoga, il a une dimension politique très très forte, notamment parce que... je sais pas, moi, dans le bouddhisme, il y a quand même des idéologies politiques très très fortes, hein, qui le traversent, et pas que un truc spirituel du bien-être, etc., quoi. Par exemple, ou peu importe, hein, ça se passe au Japon aussi, enfin bref, voilà, quoi. Oui, un développement sur le cinéma japonais à la fin, il y a un truc dans le bouquin qui était important, c'était de pas faire ha ha ha, regardez les alter écolos comme ils sont nuls et tout, et puis de juste se gausser, attaquer des gens, et puis sous-entendre que en fait il y a des milieux qui sont vachement plus radicaux et qui ont vachement trouvé la solution et qui sont vachement plus qui font un boulot vachement plus intéressant, et même c'était en fait dans mon idée. C'était une grande œuvre, là c'est tout petit, hein, mais il y avait une grande œuvre qui s'appelait La conspiration des égaux avec EGO. Et comme la conspiration des égaux à UX, c'est un mouvement qui est très radical dans la Révolution française et tout. Donc ça serait plutôt cette idée qu'il y a des mouvements politiques ou qui se perçoivent aussi comme politiques, comme les alternatives écolos, c'est un mouvement très très large, qui se présente aussi comme un mouvement qui change le monde. Et d'aller voir dans ces mouvements-là, y compris le féminisme aussi, il y a un tome 2 en préparation sur le féminisme, ou d'autres que je connais moins bien, et d'aller les voir et de voir comment en fait le problème, l'individualisme, c'est pas des gens qui sont méchants, c'est juste une socialisation qui fait de nous des gens qui se pensent soi-même d'un côté, les autres de l'autre, et ensuite il y a des convergences entre les deux, mais on se représente pas enfin, c'est une évidence qu'on n'est pas contraint par la famille, on n'est pas contraint par le milieu, on jouit d'une grande liberté individuelle. Et même quand on dit, ouais, franchement, dans cette société, c'est vraiment super individualiste, on est soi-même individualiste de fait, quoi. On est né ici, on est socialisé ici. Et donc voilà, c'était aussi de dire comment est-ce qu'on fait quand on a cette idéologie aussi. Il y a vachement aussi d'idéologie du mérite individuel, enfin toutes les merdes qu'on entend, c'est quand on veut, on peut, ce genre de choses qui infusent en fait Et comment est-ce qu'on fait quand on a grandi dans cette société-là, et puis qu'ensuite on s'engage, comment est-ce que ça frotte? Et comment est-ce que on se débrouille avec ça, et comment est-ce qu'on se débrouille, et comment est-ce qu'il est le résultat? Et le résultat, il n'est pas souvent non plus terrible, formidable. Et moi, le bouquin, je l'ai écrit petit à petit à partir de coups de gueule que j'avais contre les alter-écolos que je fréquentais beaucoup trop. Et je me disais, oh, attends, ça vraiment, ça me dégoûte et tout. Allez hop, j'écris un billet de blog sur le do-it-yourself, un billet sur ci, sur ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de le réunir, d'essayer de vraiment faire un lien entre tout ça, et puis d'offrir cette réflexion. Je suis vraiment très très contente de voir que ça marche. Et c'était déjà un peu le cas sur mon blog et tout. Moi, j'ai des copains alter écolo qui me disent oui, on se sent visé quand on lit ton blog, mais en même temps, on se sent pas attaqué. On se sent concerné, on se sent visé, et on sent qu'il y a quelqu'un qui est là pour dire « toc toc, rappelle-toi, en fait, l'idée c'est quand même que le monde il soit un peu plus joli après ton passage, que de simplement tu te fais plaisir à manger bio et à faire du vélo pour dire les choses très vite ». Donc déjà, j'avais des retours qui étaient plutôt positifs, y compris de gens qui se sentent vraiment au cœur du truc. Et en fait, et moi d'ailleurs la première, parce que comme je disais, l'idée c'est de la petite bio à la fin, de moi avec les lunettes là, c'était de dire que c'est mon monde en fait, c'est de là que je viens. Moi je suis arrivée en 99, donc ça commence à faire un petit bout, dans une association de jeunes écolos qui s'appelait les Jeunes Écolos Alternatifs et Solidaires, ce qui s'appelait Chiche. Et c'était une asso dans laquelle il y avait à la fois François de Rugy, le type de La République En Marche, et à la fois les gens de Tarnac. Mais en même temps, après, François de Rugy s'est fait virer. Moi, je suis arrivée, j'ai levé la main, François de Rugy s'est fait virer. On m'a dit, parce qu'il faisait de la merde et tout, déjà. Mais c'est pour dire à quel point il y a vraiment une grande variété de pratiques et tout ça. Et puis aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions, enfin, de gens qui ont pas mal bougé. Et donc, moi, je viens de ce monde-là. Après, j'ai vu aussi ce que faisait la vie sur un mouvement de jeunes écolos. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait des gosses, on paye les traites on a les traites de la maison à payer et tout. Et puis à un moment, il y a aussi ce truc de retour sur soi-même qui est structurel, en fait, qui est dû au temps de travail qu'il faut pour avoir des sous pour vivre convenablement. Et comment on fait quand on se fait rattraper par tout ça. J'ai vu aussi passer plein de trucs, d'un petit marché, une petite niche bio aussi qui grossit, puis à la fin qui devient super intéressante, et à la fin il y a Bio c'est bon, Unilever qui rachète des petites boîtes d'agriculture, d'agroalimentaire bio, tout ça. Et puis, ensuite, le truc qui devient mainstream, alors, au début, on avait un peu l'impression d'être des pionniers, puis à la fin, très vite, hein, on voit des trucs ben, comme Demain, par exemple, qui passe sur... Je sais pas, c'était passé en prime time sur un truc de grande écoute pour la COP. Et là, dans Demain, ouais, il y a des exemples, puis on le voit de plus en plus, les petits entrepreneurs écolos qui sont dans des espaces de coworking à faire leur start-up bio, et puis ensuite qui montent leur truc, et puis à la fin, tu dis, non, mais c'est vraiment dégueulasse, en fait, ce que vous faites. Comme tout à l'heure, là, la copine qui me raconte l'histoire du supermarché participatif, où en fait, il y en a qui bossent, et puis il y en a qui gagnent, qui gagnent des bénéfices, et c'est pas les mêmes, en fait, et c'est un peu le problème de base de la société dans laquelle on vit, c'est que ceux qui bossent sont pas ceux qui... Donc voilà, c'était... vraiment, c'était pas mal d'années comme ça, d'évolution, de changement du monde, avec des alternatives écolo qui deviennent un peu mainstream. Et puis des déceptions amicales extrêmement douloureuses qui ont à voir avec les parcours de vie, qui ont à voir avec les motivations en fait des uns et des autres, qui finalement étaient peut-être pas très très claires. Et donc c'est moi j'ai pas fait d'enquête, je me suis pas dit tiens je vais aller voir des alter écologistes et puis je vais leur parler. C'est juste les gens que j'ai rencontrés pendant toutes ces années là. Et puis des choses, des trucs que j'ai gardés là en 2012 quand j'ai hurlé contre, non c'était en 2013 quand j'ai hurlé contre le do it yourself, ou enfin bref, j'avais gardé un peu tout ça. Et donc voilà, l'idée était de rassembler tout ça. Et dans le bouquin, il y a quand même d'une certaine manière une structure qui s'impose. C'est la première partie qui parle beaucoup de l'individualisme et puis du libéralisme. Et de comment, en fait, ce sont des manières d'être au monde qui apparaissent très fortement dans les alternatives écolo. Et puis l'autre partie, c'est sur, dans les alternatives écolo, les rapports de pouvoir qui se développent. Et puis ce truc-là où on s'aperçoit que finalement, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et puis qu'on participe à certaines dynamiques sociales, en fait. Donc, ouais, je peux parler peut-être un peu de l'une, et puis après de l'autre, puis après, on discute ensemble. Et puis voilà, quoi. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est pas moi qui répondrai. Je laisserai le débat se faire comme ça. Parce que vraiment, il y a un truc, c'est que c'est pas... j'espère, hein, c'est que c'est pas un bouquin donneur de leçons par quelqu'un qui a une solution. Il n'y a vraiment aucune solution. J'ai plus des trucs de gratter là où ça fait mal et tout ça. Donc c'était plutôt cette approche-là. Et sur l'individualisme et le libéralisme, donc moi j'étais pas mal aidée dans ma réflexion par un sociologue belge qui s'appelle Nicolas Marquis et qui travaille sur le développement personnel et notamment les lecteurs de développement personnel et qui avait fait une petite enquête sur cette partie des lecteurs de développement personnel qui s'intéresse aux alternatives écolo, au développement durable et à l'économie sociale et solidaire. Donc les alternatives, grosso modo. Sachant que tous les écolos ou tous les alter écolos n'ont pas de dimension spirituelle ou de développement personnel qu'ils ont envie de cultiver, enfin, ne se sont pas branchés sur ces trucs comme ça, qu'il y a plein de lecteurs de développement personnel qui s'en foutent de l'écologie, mais que quand même on voit bien qu'il y a une convergence entre les deux, il y a quand même un gros... il y a quand même des mondes qui sont assez proches les uns des autres, enfin, comme si c'était deux cercles, et puis, enfin deux patates là, et puis au milieu il y a quand même pas mal de monde. Et du coup je m'étais posé la question de où ça venait et tout, et ça vient aussi d'un constat que font les écolos aussi, qu'on est dans une société avec de la compétition, des trucs comme ça, des choses assez moches qui se passent entre nous. Et une société qui rend malade, pas seulement en foutant des produits chimiques partout, et pas seulement aussi, mais pas seulement en laissant les gaz d'échappement nous pourrir la vie, mais aussi d'une certaine manière en promouvant des valeurs qui sont assez trash, comme tu en parlais, le consumérisme affectif, où on va voir les potes qui nous font du bien, et puis on laisse de côté ceux qui ne le font pas, et donc voilà, cette écologie qui est assez sensible à la question de la santé mentale, du bien-être et tout ça, c'est une approche qui est assez contre-culturelle et puis assez intéressante aussi de penser aux affects en fait des gens. Mais du coup, on est passé de ça à un souci un peu bizarre pour les questions de santé et de santé psychique et de bien-être. Et du coup, c'est vrai que le résultat, c'est qu'on entre dans un magasin bio et puis qu'il y a plein de produits qui sont de l'ordre de trucs de bien-être, les compléments alimentaires, les ci, les ça. Et donc voilà, ça me posait question. Et puis ce qui me posait question, c'était aussi les discours qui transparaissent, enfin qui... Les discours aussi qui sont tenus par les gens qui ont ces idées-là. Et notamment ces discours extrêmement méritocratiques et aristocratiques. Et donc il y a vraiment cette idée que, en fait, tout le monde peut travailler sur soi-même. Et que ceux qui ne le font pas, ben, en fait, c'est leur problème. Donc si tu es pauvre et malade, c'est peut-être que tu n'as pas assez travaillé sur toi-même. Et du coup, on arrive à un monde qui est assez violent, dans lequel il y a cette aristocratie de gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, et puis tous les gens à qui il arrive une merde, en fait. Par exemple, la merde, je suis née en Guinée, et c'est un peu embêtant là-bas. Et où la merde, ben, je suis une femme, et je suis relativement propice aux abus, enfin, plus qu'un mec de 1m90. Et tous ces trucs qui peuvent arriver, en fait, c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'en fait, on aurait pu... donc tous ces trucs, toutes ces logiques aussi de surévaluer complètement la liberté individuelle, de surévaluer la capacité en fait à se sortir des accidents de la vie, tout ça. Et donc je parle un petit peu de ça, et c'est des choses qu'on voit passer. En fait, il y a d'abord, ça commence par un intérêt pour cette approche où on se dit, bon, quand même, c'est important de commencer par en bas, de se poser un petit peu, de réfléchir sur soi, de se demander ce qu'on fait ici. Et puis à la fin, 10 ans après, on est entièrement imbu de sa personne et a développé cette attitude extrêmement méritocratique. En tout cas, c'est ce qu'avait montré Nicolas Marquis, en montrant des gens qui, au final, ont perdu de vue les structures sociales, les conflits, les effets un peu structurants du capitalisme, et qui pourtant sont persuadés d'être parmi les gens qui font avancer les choses, et parmi cette aristocratie de gens éveillés qui ont vu qu'il y avait un problème avec l'environnement, qui ont vu qu'il y avait des problèmes et qui ont les solutions. Donc, et puis ensuite, je m'étais rendu compte, alors ça c'est aussi à travers un bouquin qui est vraiment un bouquin très intéressant, qui s'appelle « Le syndrome du bien-être ». Donc c'est pas une expression qui est de moi, c'est deux profs dans des écoles de commerce, qui doivent être un peu sociologues, un truc comme ça, et dont j'ai oublié les noms, parce que c'est des noms scandinaves, et qui ont montré à quel point en fait le bonheur était une marchandise dans le monde capitaliste, était une marchandise, donc elle était au service des plus puissants pour être encore plus productif et encore plus heureux. Et ça a développé aussi une idée très très méritocratique. Et du coup, on a cette situation, donc on voit bien qu'il y a des pauvres et il y a des riches, mais on a tendance à la mettre sur le compte de leur manque de mérite, plutôt que de logiques sociales, économiques qui sont à l'œuvre et qui font que les inégalités croissent et que la place réservée, enfin la place des pauvres, elle est de plus en plus petite. Et donc on peut partir un peu sur la deuxième grande partie, c'était cette inquiétude aussi sur le fait que l'écologie, c'est aussi... Alors c'est plutôt un truc un peu urbain, quoi, parce qu'à la campagne, j'ai l'impression... Mais je ne connais pas beaucoup de campagnes, en fait, mais à voir à peu près ma campagne à moi, parce que je viens de Gironde, du sud de la Gironde, et qui est un endroit qui apparemment, c'est pas le hotspot de Babos, mais il y a quand même pas mal de gens un peu écolo, alternatifs, sympathiques, que je connais un petit peu, et j'ai pas l'impression que c'est les plus gros bourges du village. Et même que c'est, d'une certaine manière, des gens qui sont dans des trucs, des logiques de système D, de relative pauvreté, d'entraide, de machin, et que les alternatifs, les écolos alternatifs dans ma campagne, ça serait plutôt des gens plutôt fauchés. Mais en revanche, en ville, c'est vrai que le magasin bio, le vélo cargo, là, avec les deux petits-enfants devant, ces trucs-là, c'est plutôt, je vois ça plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt un truc qui a un mode de vie qui est plutôt, plutôt aisé, et puis qui sert aussi de distinction, qui sert aussi à distinguer des autres. Et sur les jardins partagés, moi j'ai pas beaucoup fréquenté les jardins partagés, mais en revanche j'ai beaucoup entendu mes potes en parler. Et j'avais l'impression qu'il y avait des petits moments de frottement. Et notamment, et notamment à partir d'un truc qui est plutôt une idée qui est plutôt sympathique. Et les jardins partagés, c'est un truc qui a commencé à Lille, et comme Lille, c'est la ville où j'ai pas mal vécu ces dernières années, j'ai un peu vu aussi comment ça se passait, et puis comment ça sert au niveau un peu macro, en fait, ça sert, disons, les jardins partagés font en sorte que la ville elle devienne plus sympathique, et que les prix augmentent, et que du coup, il y a une logique de marché qui vire les gens de ces endroits si sympathiques, alors qu'a priori, sur le papier, et puis dans l'esprit de quelqu'un qui est alter écolo, puis qui a pas... qui a envie de voir des bonnes choses, en fait. Enfin, qui a envie de voir que ça avance, que c'est chouette, qu'il se passe des trucs et qu'on peut le faire. Dans ces idées-là, le jardin, c'est quand même un chouette espace, a priori. C'est un des loisirs qui est le plus transclasse, qui plaît aux gens qui n'ont pas d'éducation et aux gens qui en ont. C'est une pratique qui est relativement populaire dans un grand nombre de classes sociales. Et donc, il y a un côté... Et ça, c'est un truc que raconte une nana qui s'appelle Joëlle Zask, qui est une philosophe et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La démocratie au champ ». Et elle consacre de très jolies pages... De très jolies pages... Merci. Oups, excusez-moi. Et donc, j'en profitais. Elle consacre de jolies pages à ça en disant bah, « C'est super, dans les jardins, il y a des choses super qui peuvent se passer. » Et moi, j'ai une copine qui m'a raconté qu'un jour, elle a vu un dentiste se prendre une leçon de jardinage par une femme de ménage. Et elle se disait, et du coup, elle me l'a raconté, que c'était vraiment le seul endroit sur la Terre où une femme de ménage peut donner des leçons à un dentiste, c'est un jardin, quoi. Et donc, il y a un truc de départ qui est plutôt sympa. Et moi-même, j'ai fait des guérillas jardinières à l'époque. On nettoyait les trucs et puis on commençait à bêcher, à faire des graines, tout ça. Et c'est plutôt sympa, mais en même temps, on s'aperçoit que finalement, dans les associations de jardiniers, y a plein de conflits, un peu comme partout. Mais que une des difficultés, elle vient aussi qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de concertations, beaucoup de travail de militants associatifs, de machin. Et que finalement, c'est assez violent de demander à tout le monde de s'exprimer de cette manière-là, de consacrer beaucoup de temps à la discussion, et que finalement, on s'aperçoit dans beaucoup de collectifs où il y a beaucoup d'élaborations collectives à faire ensemble, que les gens qui s'emmerdent le plus et qui finissent par partir, c'est pas mal des gens qui ont moins d'éducation que les autres. Et que du coup, c'est comme si les classes sociales qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup se réunir et qui aiment beaucoup élaborer ensemble, elles avaient fini par un peu piquer l'espace des autres. Et c'est vrai que cette logique de jardin ouvrier, qui était très chacun son petit lopin et tout ça, elle était très populaire. Et le jardin partagé, en revanche, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bobos. Et d'habitude, je dis pas bobo, ça m'a échappé, excusez-moi. Parce que c'est plutôt un truc de droite, en fait, de dire bobo, de stigmatiser ces gens, parce qu'en plus, ils sont de gauche. Et puis dans le centre de la ville qui est quand même plus sympa que le pavillon, la bagnole et tout ça, donc ce mot il est plutôt dépréciatif, j'essaie de pas l'employer, mais je parle plutôt de petite bourgeoisie, donc petite bourgeoisie écologiste ou quoi, et dont j'essaie de faire en sorte qu'elle soit extrêmement neutre. Évidemment elle est vachement marquée, mais faites comme si je disais petite bourgeoisie et que c'était neutre et qu'il s'agit purement d'un statut socio-économique. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment qu'il faut que je parle de la petite bourgeoisie. Donc, la petite bourgeoisie, à part la campagne, là, c'est une classe sociale qui saisit beaucoup des alternatives écolo. Et finalement, c'est assez juste parce que la petite bourgeoisie, c'est une classe sociale qui est vraiment entre deux, qui est à la fois dominante et dominée, et qui, à la fois, est dominée dans le sens où elle choisit pas, enfin, elle n'a pas de pouvoir sur le monde. Mais en revanche, elle a des marges de manœuvre. Et les alternatives, c'est ces marges de manœuvre qu'il s'agit de créer, exploiter. Et puis, il y a plein de trucs sympas qui peuvent exister aussi que parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont les moyens à mettre dans pour commencer une initiative, pour commencer un truc comme ça. Donc ces alternatives écolo, elles sont souvent animées aussi par des gens de la petite bourgeoisie. Et c'est pas grave d'être un petit bourgeois, c'est juste l'endroit où on est. Après, l'important, c'est de se rendre compte aussi qu'à un moment, on bénéficie de privilèges. Et puis... on n'est pas là pour rien, en fait. C'est pas parce qu'on est quelqu'un d'extraordinaire qu'on est dans un jardin à faire du jardinage bio. C'est aussi parce que voilà, ça appartient, enfin, c'est une des pratiques qui est proposée, qui est proposé aux gens. Donc voilà, c'est un genre de réflexion aussi, ou de manière de... Comment est-ce que je pourrais dire, d'alerte un peu sur ces que je propose à des gens qui ont des pratiques écolo-alternatives, qui, tu disais, il y a toi, il y a moi, il y a tout le monde, on fait un peu attention, on essaie de pas avoir des vies trop bêtes. Mais l'idée, c'était donc de pas non plus se flatter de pas grand-chose, et d'être très conscient aussi qu'à un moment, c'est très facile de partir ces alternatives écolo, et puis de se dire, non, mais en fait, j'aime bien ma vie, c'est sympa, je suis en bonne santé, tout va bien, et mes gosses sont dans une école freinée, moi-même, je bosse pour une petite asso qui fait des trucs super sympas. Et puis derrière, il y a la ville qui est complètement livrée aux appétits des promoteurs. Derrière, il y a des réfugiés qui viennent et on leur fait pas de place. Et du coup, c'était un peu une sorte d'alerte, en fait, par rapport à ça. Et puis surtout, on a l'impression que d'un côté, des alternatives écolo, ça bouge, il se passe plein de choses. Le truc devient plutôt... pas gros, mais le truc devient plutôt... Il y en a de plus en plus, et c'est assez... Il y a un fourmillement, tout le monde est en extase. C'est entraînant. C'est entraînant, ouais. Mais de l'autre, le monde devient carrément moche, enfin. Les réfugiés, les inégalités sociales qui augmentent, tout ça. Donc voilà, c'est un genre de truc un peu... Le bouquin, la démarche du bouquin, c'était... C'était vraiment de pas se laisser entraîner par « Ouais, c'est super, il y a de plus en plus de magasins bio. » Et voilà, comme franchement, je me moque pas, parce que en fait, c'était moi en 99 quand je suis rentrée dans ce groupe-là. Et donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et puis j'avais envie de le partager. Et puis de pas faire forcément que le. Donc voilà, j'ai un esprit très très ronchon, en fait. Mais c'était aussi une apologie de la négativité et puis de la colère et puis des gens qui sont grognons. Parce que c'est pas tout à fait sympathique tout le temps. Mais en revanche, c'est une sorte de lucidité aussi qui se cultive. Et donc, voilà, c'était le produit de ma lucidité. Enfin, j'espère, hein, je dis ça. Oui, c'était un bouquin extrêmement lucide sur le monde contemporain. Excusez-moi, c'est un peu... Mais en fait, je dis ça parce que, de fait, les retours que j'ai, on me dit que c'est vraiment... comme si j'avais mis des mots sur un truc qui était visible et qu'on voyait, et ça nous embêtait, mais on savait pas trop comment en parler, trouver le ton. Donc voilà, le ton, c'était de surtout pas être trop de l'ordre du... T'as dit que c'était un pamphlet, mais pas non plus... C'est pamphlétique, j'ai dit. D'accord, qu'il y avait des aspects... Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mais de pas vraiment, de pas être trop trop dur, et puis surtout de se dire, mais merde, en fait, tout le monde est comme ça, enfin c'est pas, il y a des gens qui sont méchants et des gens qui sont gentils, et en fait on est tous pris dans des logiques de classe, et l'important, c'est de garder en tête la société dans laquelle on vit, et que c'est ça qu'il faut changer, c'est pas se mettre à faire du vélo, ou c'est pas que se mettre à faire du vélo. Et puis cette idée de sortir de... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que ça permet justement d'aller voir au-delà de soi et d'aller regarder en fait ce qu'il y a autour en termes structurels, ce que tu disais, tout ce qui œuvre au niveau social, économique, politique, sur les individus, quoi. Et que c'est pas simplement en changeant certaines petites pratiques, etc., que ça va changer le reste, en fait. Parce que le reste, voilà, y a quand même des trucs un peu cannibales, hein, moi je dis souvent... qui nous encercle et sur lesquels on ne peut pas lutter juste avec nos petites pratiques individuelles, quoi. Ouais, l'exemple que je donne et tout quand on me parle de ça, c'est que on a l'impression donc que ça bouge, il y a de plus en plus de petits producteurs, de machins, mais en même temps qu'il y a de plus en plus de petits producteurs, il y a de plus en plus de petits producteurs qui se font bouffer par des gros circuits de consommation. Et en ce moment là, donc c'est dans mon épicerie bio à Lille qui m'a invité à parler du bouquin d'ailleurs. Et ils sont effarés parce que tous les petits producteurs avec qui ils bossent, ils apprennent petit à petit qu'ils se font racheter. Et donc on ne sait pas où se fournir pour pas alimenter la grosse machine capitaliste. Et puis pour soutenir quelqu'un qui a une activité quand même vachement moins dégueulasse que celle d'à côté. Donc il y a un genre de désarroi parce que nous, on a fait l'effort d'acheter à des prix corrects, d'acheter des trucs de qualité et tout. Et finalement, on se retrouve repris par la machine, et il y a une certaine accablement, en fait, à voir le monde changer comme ça, alors que justement, c'est, le truc grossissait, et c'est justement parce qu'il a grossi et parce que il y a de plus en plus de surfaces cultivées en bio et tout, c'est parce que ça marche que ça ne marche pas, en fait. Et donc, il y a un désarroi de merde, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en fait ? Puisqu'on avait la solution de commencer petit et puis faire des petits trucs et faire des trucs bottom-up, commencer au niveau où on est, et puis. Et on est repris, donc il ne reste plus que la révolution. Et la révolution, c'est une perspective qui nous fait peur d'une manière ou d'une autre. Parce que finalement, on ne sait pas par quel bout la prendre, on ne sait pas par où ça va commencer, on ne sait pas si ça ne va pas. Voiler les roues de notre petite bicyclette personnelle, on sait pas. Et puis c'est vraiment un très grand mot qui est très intimidant, on va dire. Peut-être pas forcément qui nous fait peur, mais en tout cas qui nous intimide. Et donc voilà, quoi. À la fin, je dis, bah là, il y a une seule solution, c'est de faire la révolution, c'est extrêmement facile, il suffit de. Non, je rigole. Voilà. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de. Mais bon, on peut toujours en causer, hein. Du coup, peut-être, voilà, allez. Le livre, ça serait bien très intéressant, parce que tu mets des mots sur ce qu'on, au milieu militant, on ressent. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Première chose, il y a un recul de Constance Dioclès qui est vivant depuis les années 70, et ça se matérialise, entre autres, avec les altères, cette classe intermédiaire, la petite bourgeoisie, en fait, qui, normalement, devrait être dans le camp progressiste et révolutionnaire, c'est son intérêt de classe, mais qu'il ne l'est pas. Il y a un recul de conscience de classe, ça se manifeste, on le voit avec eux. Alors, là, les altermondialistes, souvent, on débat avec eux, c'est, ils ne veulent pas du tout mettre à mal le mode de production capitaliste. C'est une alternative. Mmh. Hein, c'est une alternative, c'est on va faire notre petit jardin, machin, etc., avec les adeptes de la permaculture, et puis à côté, on aura le capitalisme continuera d'exister. Alors, dis-moi, vous allez être irrémédiablement devenir une marchandise, des pratiques que tu vois avec le développement personnel, où il n'y a plus de conscience de classe, donc maintenant c'est au niveau, je dirais, de l'atome individu. Et c'est tout, c'est de sa faute. Il a raté s'il ne fait pas les choses correctement, c'est de sa faute. Et après, bon, le conseil est là, et c'est vrai que comme tu dis, pour nous, c'est pas évident, parce que c'est de dire, c'est ce grand mot, la révolution. Alors, c'est quoi? C'est réaffirmer une conscience de classe, comment on le fait, par quels moyens, et ramener surtout une critique politique, c'est ce que tu dis justement, parce qu'il y a un refus de la négativité. C'est moi ce qui m'avait toujours marqué chez ces gens-là, c'est assez incroyable, il y a un côté Peter Pan, très juvénile. C'est, alors, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de critique, et c'est tout est positif, tout est merveilleux. C'est assez incroyable, il y a plus, chez eux, il n'y a plus de contradiction. Quoi. C'est une sorte de c'est assez incroyable. Ben, moi, je pense qu'il faut que je fasse mon mea culpa à ce moment-là, mais moi, je fais partie des petits bourges écolos qui se font prendre à partie par des gens de lutte ouvrière et qui leur expliquent que non, mais c'est pas la peine d'attendre la révolution parce qu'on peut changer dès maintenant et tout. Mais quand même, j'aurais un petit peu nuancé le truc, c'est que nous, par exemple, dans l'association là, pendant laquelle je suis restée 10 ans, c'est que quand même nous on y croyait que c'était possible que ça change les choses de manière radicale. On était anticapitaliste et on avait des slogans qui étaient un qui c'était la révolution lente, et donc c'était la révolution qui va arriver. Il y a vraiment cet objectif que ces trucs alter écolo ils vont amener à la révolution. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, alors je reprends l'enquête de Nicolas Marquis, des gens qui répondent, c'était à la question, est-ce que vous pensez que le capitalisme est un problème? Bah non, il y a à peu près la moitié de gens qui disent bah non, mais pas de problème. Puis il y en a la moitié qui disent que si. Donc en fait, je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont engagés dans ça avec une idée de. Mais c'est une idée qui est sur le papier et puis qui n'est pas non plus trop interrogée. Et puis c'est des mondes, en fait, les mondes alter écolo dans lesquels. Il n'y a pas non plus de super forte conscience de classe, il n'y a pas non plus. Il peut y en avoir, mais je pense que ce n'est pas un truc qui définit forcément. Et il n'y a pas non plus, je pense, de théorie politique très très carrée. Il n'y a pas, des grandes luttes entre sur les questions du marxisme, sur les questions économiques vraiment très très fortes. C'est pas un grand champ de discussion politique comme peuvent l'être les milieux anarchistes, par exemple. Donc oui et non, en fait, sur cette question de la révolution. Sur la question de la révolution, je parle du principe qui est peut-être contestable. On va essayer de dire, faire en sorte que les gens qui ont un discours, ils le pensent. Après, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais est-ce que c'est tant une peur de la révolution, sachant qu'il y en a qui disent « Non, je ne suis pas anticapitaliste, c'est une révolution lente, c'est mon moyen de faire changer les choses », qui a un autre rapport à la violence, avec l'idée que d'un côté, ce n'est pas tant pour révolutionnaires, anti-révolutionnaires, que ceux qui veulent une révolution radicale, dans lequel, ben, à un moment, on se pose et on est violent envers un système violent, et donc du coup, on le renverse, etc., de ceux qui disent « On va faire une révolution, on est d'accord ». Mais nous, ce sera pacifique, on va faire pousser les tomates, etc. On va se fournir auprès de personne, et c'est aussi un changement. Et au final, la révolution, on la reconnaît au fait qu'il y a un changement. Mais notre changement va passer de manière pacifique, sans violence, et là où du coup, ils se retrouvent frontalement opposés à des personnes qui disent « Mais nous aussi, on va faire la révolution, mais par contre, ça va faire un peu plus de dégâts ». Est-ce que du coup, c'est la différence est tant sur la révolution que sur le rapport à la violence dans le moyen de la réaliser? Ouais, certainement. Ouais. J'ai pas du tout abordé cette question, puis j'y pense maintenant comme ça, mais enfin c'est vraiment une bonne remarque, parce que c'est vrai que la non-violence c'est un truc assez structurant dans le monde inter-écolo. D'ailleurs c'est un truc sur lequel il faudrait réfléchir. Moi en ce moment j'écris des choses contre la bienveillance parce que ça m'énerve. Et donc je vais peut-être faire une association anti-bienveillance, je crois qu'il y aura du monde en fait, parce qu'on commence à être quelques-uns à commencer à s'énerver un peu quand on voit Macron là, qui dit qu'il est bienveillant, tout ça. C'est un peu pénible à force. Il y a bienveillance et bienveillance quoi. Ouais, mais finalement la bienveillance ne dit rien. C'est ça le truc, c'est que la bienveillance c'est le contraire de la malveillance, mais ça veut pas dire de la qualité de relation en fait, et notamment du truc hiérarchique ou autoritaire ou quoi. Et notamment il y a plein de soignants extrêmement autoritaires et bienveillants parce qu'ils ont pas envie que tu sois malade en fait, ils ont pas envie que tu restes malade, ils ont envie de te soigner, mais juste ils vont le faire d'une manière qui est un peu attentatoire à ta dignité et puis qui est d'une certaine manière un peu problématique. Mais la non-violence c'est un truc assez important, c'est tellement structurant que moi-même je suis encore très très non-violente, donc je fais pas de boxe, donc voilà, c'est pas avec moi qu'on va faire la révolution, mais je pense que c'est important de noter ça. Moi j'aimerais bien rebondir, on avait eu un débat ici sur Landauer, qui est un anarchiste allemand qui est mort dans les années 20 ou 30 en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, en fait, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu une révolution ouvrière. Les ouvriers ont pris le pouvoir. Il y a eu des anarchistes qui sont même allés au pouvoir, dont Landauer. Bon, il s'est fait tuer juste après. Bref. Et en fait, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'appel au socialisme », où dedans, il dit clairement, bon, il y a eu la révolution. Les ouvriers ont pris le pouvoir, mais alors personne n'était préparé, là, il n'y a plus rien. On est incapable de faire quoi que ce soit. C'est l'inertie totale, ça a servi à rien. Et il dit, justement, à cette époque-là, il y avait énormément de communautés qui s'étaient quand même organisées en dehors un peu des grandes villes, etc. Ça marchait un peu, mais c'était pas assez fort, c'était pas assez présent. Du coup, en fait, il n'y avait rien qui pouvait asseoir cette révolution. Voilà. Et il n'y avait pas de lien qui avait été créé. Et j'avais trouvé ça assez pertinent, dans le sens où on ne peut pas exclure les gens, en fait, de ce vers quoi ils ont envie d'aller, en disant « Non, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas intéressant, ça, c'est pas révolutionnaire, ça, c'est pas si... » Je suis pas sûre qu'on ait envie de prendre les armes, d'aller dans la rue, de tirer sur tout le monde et de dire « Alors là, vous êtes des méchants, vous êtes... » Enfin, moi, je crois pas au grand soir, par exemple. Mais je crois à l'idée qu'il y a des gens qui, de partout, en fait, font des choses et que l'important, c'est peut-être de les construire ensemble. Bah, je suis un peu constructiviste là-dessus. Ouais. À la fin du bouquin, je parle un peu de ça. C'est une typologie qui est faite par Gaetano Manfredonia sur les insurrectionnalistes. Alors, il y en a trois. Il y a tous ceux des gens qui sont dans le monde du travail, en fait. Qui sont dans la défense des travailleurs et puis l'obtention de droits. Ça fait un peu libéral de dire ça comme ça, mais en tout cas sur ce rapport de force. Il y a les insurrectionnalistes et puis il y a les constructeurs éducationnistes. C'est ça, éducationnistes et constructeurs. Et c'est vrai, moi j'ai tendance à... Je me dis, je fais partie de la troisième partie, en fait, des gens qui réfléchissent, qui font des revues, qui transmettent une culture, en fait, qui posent des questions, et puis, disons que oui, des gens qui sont dans la transmission, en fait. Mais tu me disais tout à l'heure qu'en fait, il y a des gens qui font les deux, Et que à Ternac, par exemple, il y a des gens qui ont un discours insurrectionnaliste et qui en même temps font pousser des patates. Mmh. Et construisent des trucs avec du bien social, ou la maison, là, le bar tabac, tout ça, quoi. Ouais. Et donc, c'est pas des approches forcément. Contradictoires. Ouais, contradictoires, mais. Mais c'est vrai que la plupart des gens alter-écolo se voient plutôt sur ce truc de d'éducationniste constructeur. Mais si c'est juste une manière d'éviter la violence, c'est une chose, mais même éviter les conflits, c'en est une autre. Et c'est vrai que sur la peur du conflit, il y a quand même des choses assez, assez fortes qu'on observe. Et sur en fait, les conflits d'intérêts, tout ça, c'est juste des problèmes de malentendus. En fait, si moi je suis riche et je suis pauvre et que tu as envie de me tuer pour me prendre mes sous, c'est juste une sorte de malentendu, parce qu'en fait, tu n'as pas très bien compris que c'était bien d'être pauvre. Donc voilà, c'était cette figure du malentendu et des problèmes de communication et d'évitement à tout prix du conflit. En effet, oui, c'est un truc assez, assez pathogène aussi. Parce que finalement, comme le conflit, il existe toujours, il resurgit sous des formes qui sont emmerdantes, en fait, qui sont pas saines, en plus, il n'y a plus personne pour le gérer, parce que les gens, ils s'enfuient en courant dès qu'il y a un conflit. Ouais, c'est un bouquin dont j'ai pas parlé parce que je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le lire un jour. C'est l'éloge du conflit de Ben Assayag et Angélique Del Rey, parce que je pense aussi que c'est un des trucs assez importants qui manque aussi dans les alternatives. Enfin, qui manque, non, il manque pas forcément, parce que dans les alternatives, il y a aussi des gens qui sont anti-nucléaire, qui sont anti-ci, qui sont pro-ça, enfin, qui ont des approches politiques très très claires, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui dit aussi non, mais il faut arrêter d'être contre. Et donc oui, je pense qu'ils font partie du problème, les gens qui veulent arrêter d'être contre. Je pense que c'est pas des identités qui sont figées, en fait. On peut être à tour de rôle, être à un moment pas trop contre, et puis à un autre moment, en fait, on n'est pas tout le temps la même personne. Enfin, ouais, c'est pour ça quand je dis les alter-écolos, j'ai toujours ce truc-là de d'abord c'est méconnaître la variété des gens, c'est méconnaître le fait que dans des parcours aussi, des parcours militants, on peut passer d'un truc à l'autre. Moi, j'avais suivi un peu des trucs entre l'autoroute A65, c'est la plus grosse autoroute, la plus longue autoroute de l'après-Grenelle, c'est 180 km d'autoroutes qui ont été construites, qui sont rentables qu'en février. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mois dans l'année. Et c'est l'autoroute pour aller dans les Pyrénées, en fait, faire du ski. Je sais qu'ici, ça a l'air un peu con d'aller dans les Pyrénées faire du ski, mais chez nous, c'est le truc le plus près qu'il y a, quoi. Dans les luttes contre cette autoroute, il y a des gens qui ont commencé à dire, NIMBY, quoi, pas chez moi, mais peut-être chez le voisin. Et puis petit à petit, ils ont développé aussi compréhension des problèmes politiques que ça pose, en fait, de l'absence de démocratie, problèmes environnementaux, comme ça. Et à la fin, ils se retrouvaient à manger du poulet bio. Je me souviens, je mangeais du poulet bio avec les gens, et puis local et tout. Et puis du coup, ils y tenaient vachement. Il y en a plein qui étaient devenus écolos, puis qui avaient développé un discours contre l'État et la gouvernance du coin, enfin, contre les élus, qui était plutôt, plutôt radical. Donc il y a aussi le fait qu'on change, et puis qu'on a aussi plusieurs palettes, quoi. On est aussi des consommateurs, quoi, qu'on veuille, et on est aussi des gens qui s'indignent, mais on s'indigne pas tout le temps, et on pousse pas le caddie tout le temps. Donc oui, il y a c'est pour ça que c'est vraiment pas le bouquin où on vomit sur des gens et puis on en sens d'autres, et puis c'est pas le propos. Je peux continuer sur la 65. La 45, c'est totalement ce que ça crée. La lutte, là, en ce moment, entre Lyon et Saint-Etienne, il y a une friction entre plusieurs mondes qui se rencontrent, interassociatifs, les anciens de la lutte, les nouveaux, les jeunes, ceux de Saint-Etienne, l'Assemblée de lutte, etc. Et en fait, le collectif paysan, le collectif naturaliste, et en fait, ils créent des liens et ils changent leur vision, mais globale, en fait. C'est parce qu'il y a cette lutte-là et que d'un coup, il y a une autre vision qui évolue, on apprend entre les gens, et ben, je trouve ça vachement bien, mais c'est que parce qu'il y a une lutte et qu'il y a cette problématique d'autoroute à 45 qui pose pourquoi l'État, pourquoi ceci, pourquoi ces décisions, que ça fait émerger des discussions qui n'ont pas lieu. On est tellement atomisés, tout à l'heure tu parlais, le libéralisme, l'ego, en fait. que ça n'arrive pas, et il n'y a que parce qu'on a ce sujet-là qui nous rassemble, que hop, ça fait émerger une conscience, et d'un coup, on parle de discours anticapitalistes, anti-étatistes, etc., etc., de violence, non-violence, etc. Donc, s'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas ces frictions et ces débats entre personnes, et qu'on reste entre groupes hyper radicaux, hyper alternatifs pour, mais en fait, il n'y a pas d'évolution commune. Moi, je suis persuadée qu'on peut faire du commun. Qu'on peut faire des trucs ensemble. Enfin, c'est, il y a que tout le vocabulaire, on peut vivre ensemble. Qui est un peu horrible. Mais que du coup, je pense qu'on peut être en collectif, faire des choses collectivement, que quand on a un intérêt commun ou un truc qui nous relie, quoi. Mais le cas de la 45 est spécial parce que moi je me souviens qu'il y a des identitaires là-bas, quoi. J'ai un pote qui a rencontré genre 15 identitaires qui étaient présents quand il y avait eu le grand rassemblement. Mmh. Et puis il y a cette idée aussi qu'il y a beaucoup de pas dans mon jardin, pas chez moi, etc. Il y a des gens qui sont complètement à droite politiquement parlant, qui disent on n'en veut pas pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des ponts possibles. Après, c'est chaud, hein, quand même, les ponts. Ouais, mon pote anarchiste qui a discuté pendant une heure avec les identitaires, je lui tire mon chapeau. Hein, c'est... On les voit pas en réunion. Hein. C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, ça va t'en parler aussi dans ton livre, c'est justement les fondements idéologiques de l'écologie, t'as très très très à droite. Hein, t'as vraiment aussi des gens qui sont plus qu'à droite, ça peut gérer. Contre l'État, contre le capitalisme aussi. Hein. Cette partie-là, elle est aussi intéressante, il faut s'en méfier. Et c'est vrai que dans des buts, tu vas voir arriver, par exemple, démarquer du droitard extrémiste de base qui tient un discours très policé, très sensible sur il faut préserver la nature, etc., mais avec une arrière-pensée. Biologique, racialiste, ou calque, c'est schéma. C'est vrai que c'est fait partie des choses. Je ne comprends pas la biologie raciale. Dans ces mouvements-là, il y a la vision, lorsque tu promèves le discours de façade qui se veut contre le système, etc., c'est une vision qui est racialiste. Ces gens-là, les identitaires, ils ne s'appellent pas les identitaires pour rien. C'est des nazis, c'est des gens-là, pour eux, ils ont une vision raciale du monde, c'est-à-dire qu'il y a une race supérieure, des races inférieures, et ils attribuent à la race des vertus politiques, tout ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas d'égalité, quoi. Et souvent, ils ont un discours, si tu veux, ils arrivent avec des discours sur la nature, un peu dans un sens, ou une vision biologique avec... qui peut se décliner avec le survivalisme, alors qu'il y a les plus forts qui survivent, c'est normal. Enfin, tu vois, il y a toute une. Avec ce genre. Pour ça, c'est. Ça, moi, je pense que quand tu n'as plus conscience de classe, parfois, ça peut être tu as des choses trappes comme ça, où tu vois débarquer, justement, tu peux voir débarquer ce genre de mouvement politique et de mouvement extrémiste. Oui, il y a le capitalisme mondialisé, c'est justement parce qu'il est mondialisé qu'il est ce qu'il est, et contre ça, on peut relocaliser l'économie entre soi, en cultivant... Ça c'est un truc aussi qui est arrivé, je me souviens quand c'était... les premiers trucs... alors je ne sais plus qui c'était le premier facho qui s'est mis à parler de décroissance. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'est peut-être Alain de Benoît, en fait, qui a commencé à faire des rencontres sur la décroissance. Et c'est vrai que ça faisait un peu peur. Et cette semaine, moi, j'ai vu un truc en kiosque, jolie couve et tout, un magazine qui s'appelle Élément. Ça m'a fait tout de suite penser à ça. Je lui ai dit non, mais c'est un magazine qui est en kiosque et tout. Et puis c'est sympa, il y a Mathieu Crawford en couverture, qui est quand même un anti-indus relativement intéressant, un petit peu macho, mais intéressant. Et puis il y avait un article sur Arne Næss aussi, un philosophe d'hypécologie norvégien. Il y avait un truc sur une revue d'histoire naturelle qui s'intéressait à la chasse aussi. Ça avait l'air assez intéressant, mais en fait, c'était le truc d'Alain de Benoît. Il y avait plein de trucs vomitifs, hein. Des choses, pour le coup, extrêmement violentes, des discours extrêmement violents sur tous les gens qui partaient pas leurs idées. Et ça se présentait, enfin, avec les revues, qu'elle n'avait pas marqué, attention, revue d'extrême droite, il y avait, avec tous les magazines et tout, elle était très jolie. Et je pense qu'elle était assez relativement attrayante pour des lecteurs et des lectrices anti-indus, un peu écolo, un peu machin. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, là, ce truc de décroissance et fascisme, ça a été un peu « Ah non, c'est pas possible, en fait, comment ?» mais ouais, ça a pris quand même pas mal aussi d'ampleur. Après, moi, je connais pas très bien l'extrême droite. Moi, j'ai laissé un peu... Il y a quelqu'un qui a défriché ces questions-là dans la maison d'édition, laquelle j'ai publié. Il y a un petit bouquin qui s'appelle « L'amour à trois » et qui parle de Alain de Benoît, de Alain Soral et de Éric Zemmour. Et qui est allé voir, en fait c'est mon éditeur, hein, qui est allé voir un peu tous les discours, parce que finalement on n'a pas trop envie de les lire, et donc il est allé voir pour de vrai à quoi ça ressemblait, discours sur les femmes, discours sur le capitalisme, discours sur... Et puis c'est assez répugnant, donc si vous n'avez pas envie de les lire dans le texte, le mieux c'est de lire L'amour à trois, il n'y a pas de package spécial égologie L'amour à trois, mais c'est un peu le même format, donc... voilà. Mais je sais pas s'il parle d'écologie en fait dans L'amour à trois. En tout cas, moi j'en ai parlé un petit peu de l'amour à trois dans j'allais dire la partie sur les femmes, mais en fait régulièrement il y a ce focus et tout sur qu'est-ce que ça représente aussi et ça pour les femmes. Et notamment sur les questions de genre en fait dans les milieux alter écolo. Moi, il me semblait que c'était pas forcément, c'est pas forcément des milieux dans lesquels j'observe aucune misogynie particulière, mais il y a un peu de ce truc un peu de déni en fait de la domination masculine, il y a un peu de déni des trucs un peu conflictuels, et puis il y a ce truc de ça serait tellement bien si tout le monde était si tout le monde était complémentaire, et puis et du coup alors que la situation des femmes dans les couples, dans le travail, dans plein d'endroits, elle est quand même pas si terrible qu'on puisse se dire c'est génial de voir vous êtes si complémentaires. Et donc voilà, c'était pour dire que là, pour le coup, il y avait une différence, à mon avis, entre les alter écolos, les pires, ceux qui m'énervent le plus, et puis l'extrême droite. Mais il y a même encore, je pense, une troisième comparaison possible, c'est dans les milieux justement. Type ZAD, etc., on retrouve en fait des rapports hommes-femmes hyper problématiques, dans le sens où t'as beaucoup, beaucoup d'hommes qui surinvestissent pour avoir des places, genre oui, moi je fais ci, moi je fais ça, ouais, moi je suis très courageux, ouais, moi je. Puis t'as des filles qui sont en un nombre bien moins réduit, et ça crée un espèce de truc où, comme elles sont moins nombreuses, bon, elles font des trucs, etc., mais elles sont mises en concurrence par les mecs qui entretiennent des polyamours, enfin bon, bref. Et là, on se dit, mais mince, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge si on n'y réfléchit pas, quoi, de toute manière, de manière constante au rapport homme-femme, quoi. Parce que dans tous les cas, qu'on essaye de s'émanciper ou pas, c'est problématique, quoi. Mm-hmm. Enfin, voilà. Même dans les milieux écolos plus engagés politiquement. Ouais, il y a des milieux dans lesquels ça avance un petit peu, là, sur, sur la lutte, la bure. Il y a un texte qui est sorti sur une histoire d'abus conjugaux, en fait, de violences conjugales, d'abus et de viols conjugales, qui est sorti, qui est pas mal aussi, et puis qui parle aussi du traitement de cette histoire-là, qui est plutôt, plutôt rassurant, quoi. Cette fois, j'ai dit non. Ouais, c'est ça. Pour une fois, j'ai dit non. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ouais, ce petit bouquin, il traverse plein de problématiques, quoi. C'est il y a un fil conducteur qui est l'écologie, l'égologie même, et puis, enfin, ça parle un peu de tout. Et du coup, moi, je trouve qu'on, enfin, parce que par exemple, une des critiques que m'avait fait un pote par rapport au bouquin, c'est mais ça manque d'exemples. Mais en fait, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai l'impression que en fait, les exemples, on les retrouve de partout dans certaines phrases, certaines affirmations du monde qui nous entoure, en fait, et qu'à chaque fois, on peut se le réapproprier par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous qui nous paraît être des alternatives. etc. Ouais, moi j'avais l'impression que ça manquait de théorie plutôt et que j'avais plutôt plein d'exemples. C'est vraiment le livre de filles. Oui, alors j'ai vu ça. Et puis des intuitions féminines un peu partout, de trucs concrets, de petites choses. Là, c'est Mona Chollet qui parle des petites choses. Et j'ai l'impression que justement, j'avais ce truc-là de partir de choses que j'observe pour ouais. essayer d'en tenter d'en tirer des conclusions après, plutôt que de dire, bon alors, le marxisme, bam, ouais. et puis d'aller ensuite tordre un peu la réalité pour montrer des trucs. Du coup, moi, je trouvais qu'il n'était pas justement extrêmement théorique, extrêmement... maniait pas trop ce genre de réflexion. Et, mais des fois, dans les rencontres, c'est plutôt, une fois qu'on en discute, il y a plutôt des gars dans le public qui prennent la parole et on parle beaucoup de marxisme et de machin et de révolution et de ci et de ça. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que mon livre, il piste ça, mais justement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, en fait. Et puis, quand il n'y en a pas assez, c'est parce que mon éditeur, il m'a censuré, il m'a coupé pour que ça rentre dans un petit format. Donc, il y a beaucoup de notes, et il y a certaines notes qui sont très, très, très, très longues, et c'est des choses que j'aurais bien aimé mettre dans le texte, mais on ne pouvait pas. Donc, ouais, qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples, là. Non, mais par exemple, quand tu parles des rapports hommes-femmes, de la question de la femme qui est biologisée encore une fois, etc., mais on voit clairement qu'il y a un rabbi et... Enfin, tu vois, et c'est vrai que si tu avais développé ça, peut-être que bon, ça aurait alourdi le texte. Mais j'avais pas envie de dire Pierre Rabhi, en fait, c'est ça le truc aussi. on peut comprendre. Ouais, ouais, c'est quand même des choses que j'ai pas lues ou pas de très près. J'ai vu demain en cours de rédaction, mais je l'ai vu qu'une fois. Hein. Je me suis pas emmerdée à le voir trois fois et à prendre des notes. Et, Donc oui, sur demain, j'ai souvenir un peu abstrait, vague, on peut en reparler, mais c'est vrai que demain, ça fait partie du monde de Alter Écolo, demain, mais c'est vrai que c'est quand même vachement marqué par l'entreprise écolo, quoi, la manière dont ces idées Alter Écolo peuvent être intégrées tout de suite au capitalisme pour ouvrir de nouveaux marchés, pour le faire fonctionner de manière plus efficace, pour le rendre plus acceptable. Ouais, c'est un film qui est vraiment très très pro-marché. Et puis la collection que anime Cyril Dion, c'est une collection qui s'appelle Domaine du Possible, dans laquelle moi j'ai un ami qui s'appelle Jacques Capla, qui a écrit deux bouquins. Et je trouvais qu'elle était plutôt sympathique, plutôt alternative, machin, mais de plus en plus, elle commence à sentir assez mauvais, puisqu'il y a plein de choses qui sont vraiment très très liées au monde de l'entreprise. Il y a un truc sur le coaching équin, c'est le cheval au service de l'entreprise. Okay. Il y a des trucs, vraiment, il y a aussi le type du poisson lune, là, le mec de Poche Éco. À Lille, là, j'ai des copains du journal La Brique qui sont allés gratter un petit peu et qui sont aperçus que les enveloppes Poche Éco, elles n'étaient pas faites par les coopérateurs de la SCOP, elles étaient faites par des détenus en prison. Donc, c'est pas très cher, mais en effet. Mais ils se mettent en scène. En fait, tu vois les photos des gens de Poche Éco et c'est que les coopérateurs, les gens qui sont dans la SCOP, et c'est formidable. Et il n'y a pas les petites mains derrière, quoi. Enfin... qui travaillent pour eux, mais c'est des prestataires. Hein. Et en fait, y a des mêmes logiques de profit et d'exploitation du travail le moins cher. Ça n'aurait pas été des dollars, ça aurait été peut-être des Chinois. Hein. Ouais. Certainement. Ah oui, parce qu'il y a aussi la perspective internationale. Il y a eu des projets à Lyon qui n'ont pas abouti, mais qui avaient vocation justement de partir du constat que les dollars, au lieu d'être en tôle, préféraient être dehors. Et donc, par exemple, à l'époque, il y avait des discussions à propos, par exemple, d'une recyclerie pour des bouteilles et de faire travailler en fait des tollards en utilisant tous les dispositifs que peut mettre en place le SPIP, c'est-à-dire des heures de travail à l'extérieur, quoi, auraient pu écourter leur peine et sortir plus vite, quoi. Donc tout ça existe, ouais. Par exemple, tous les bandeaux qu'on voit chez Gallimard sur les bouquins, les bandeaux rouges comme ça, pris au cours de l'année, machin, enfin, tous ces trucs qu'on voit à la FNAC, c'est les tollards qui le font en prison. Je crois que c'est dans Un prophète de Jacques Audiard qu'on voit ça. Non, c'est pas... Un prophète, c'est un film. C'est dans un autre film, mais en tout cas, c'est, oui, c'est les bandeaux sur les bouquins, ouais, c'est fait par les tollards. D'accord. Ah ben, je ne serai plus jamais de prix Goncourt, alors. Je suis sûre qu'ils arrivent à dire que c'est faire du social, en fait. Je suis sûre que derrière, il y a un discours, oui, c'est pour leur intégration, Pour leur réinsertion. Moi, j'avais repéré un vivier d'emploi qui était vachement utilisé par les entrepreneurs bio. C'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était les... Ah, j'ai complètement oublié le nouveau nom. C'est les anciens CAT. Les ESAT. Les ESAT, ouais, les c'est ESAT, ça. Ouais. Et en fait, la tisane bio qui est conditionnée dans un ESAT. Il y a le maroilles bio, le premier maroilles bio aussi qui est fait dans un ESAT. J'ai failli faire un reportage là-bas. Qu'est-ce que c'est un ESAT? C'est un atelier de réinsertion, on travaille les personnes déficientes intellectuelles ou d'autres handicapés d'ailleurs. Et donc c'est des ateliers, enfin les personnes handicapées reçoivent l'allocation adulte handicapé. Et ensuite, elles ont le moyen de travailler aussi, alors je ne sais pas, avec des horaires aménagés, j'en sais pas plus. Et je voulais m'intéresser à ça, parce que je voyais vraiment beaucoup de produits bio. Par exemple, à Lille aussi, il y a un truc qui s'appelle, un petit entrepreneur qui a fait un truc qui s'appelle Jean Bouteille, qui est sur la mode zéro déchet et le vrac. Et l'idée étant de proposer des bouteilles et que les gens se servent ensuite en vrac. Et ensuite, les bouteilles, elles repartent dans le circuit, elles sont lavées par... Et elles sont lavées dans un ESAT aussi. Et donc, je voyais plein d'ESAT, en fait, sur les emballages des trucs que je mangeais, de choses qui étaient faites en ESAT. Et c'est et donc, du coup, ça, c'est solidaire, hein, c'est formidable. Et en même temps, c'est aussi de l'emploi bon marché. Ouais, mais là, on est dans plein de paradoxes, parce qu'il faut bien qu'ils bossent aussi. Bon, alors, et comme ils sont dans ce système... Voilà, c'est toujours le même problème. Ouais, du coup, ouais, c'est beaucoup moins intéressant à travailler dans un ESAT qu'à toucher la hache. Ils ne peuvent pas avoir moins que la hache. Ils ont forcément la même chose ou plus. Ouais. Non, parce que on leur déduit de la hache, leur salaire, c'est la hache. Plus quelque chose, mais ils ne peuvent pas avoir moins. Ouais. Quand ils travaillent en ESAT, ils ont il n'y a pas un salaire fixe plus ce que représente leur productivité. Et il me semble que ça représente moins que la hache, s'ils sont à 80%. Non, ils ne peuvent pas avoir moins que la hache. Enfin bref. Voilà, ils se rebellent quand même, non ? Qui ? Moi, je crois que les pauvres. Et les détenus, c'est pareil, en prison, ils préfèrent travailler pour gagner de l'argent. Oui, mais alors, le taux horaire est ridicule. Ah oui, oui. Eux, ils demandent à se faire payer, là. Non, mais c'est vrai que c'est scandaleux, c'est pour mais... C'est pour ça que tu préfères demander des mandats, quoi, parce que, je veux dire, c'est l'exploitation, quoi. Ouais. Ouais, puis... la réalisation de soi par le travail. Quoi. Oui. Oh, là, je sais pas s'il parle de réalisation de soi. Il y a peut-être une question par là. Enfin, juste sur le travail des prisonniers, par exemple, Didier Fassin, il montrait ça, il montrait que du coup, la question de la réinsertion, en fait, elle va totalement à l'encontre du travail qu'ils font, qui est censé être autour de quoi se cristallise leur action professionnelle dans un certain sens. C'est-à-dire qu'ils ne cotisent pas, ils sont moins payés que même les horaires du SMIC. Les questions de bout de temps d'heure, une pause, etc., souvent c'est pas respecté. Et ils n'ont aucune perspective de carrière. C'est-à-dire c'est même pas, ils travaillent, puis derrière, dans une entreprise, peut-être une certaine taille, on pourrait dire, bon, tu peux essayer d'avoir maintenant ce poste ou quoi que ce soit. Donc la plupart des caractéristiques, même dans un travail au sens dominé au sens large, elles existent peut-être un temps soit peu, là c'est même plus le cas. Donc c'est ouais, plus ou moins, on va dire qu'ils sont juste au-dessus des travailleurs au Bangladesh, voilà, qui n'en parle même pas, mais c'est en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment la main-d'œuvre, la pitance, quoi, c'est ce qui reste. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas que les petits mouvements écologistes un petit peu tendancieux qui est utile, je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, ce qui était choquant, c'était la différence entre le super discours d'entrepreneur responsable et tout, et puis l'exploitation de ça, quoi. Ouais. Qui aussi, j'ai l'impression aussi, c'est une exploitation de la force de travail, et puis sur un travail vraiment très très bête et très mécanique, on se demande si on va acheter une machine ou le faire faire à quelqu'un, mais si c'est un prisonnier, ça va être moins cher. Donc, des choses extrêmement, extrêmement abrutissantes et tout. Et puis l'exploitation d'un certain besoin aussi, à ne pas, pas rester dans sa piole toute la journée et à sortir, à aller dans l'atelier, avoir du monde. Et je pense que c'est aussi pareil pour les personnes handicapées. Il y a aussi envie de sortir un petit peu. Ça justifie le travail des enfants au 19e siècle aussi. C'est-à-dire qu'ils apportaient de l'argent aux familles, ils se réalisaient eux-mêmes et puis ça les occupait pour... C'est comme ça que c'était justifié par les députés en fait, qui étaient pour le travail des enfants. Mais d'ailleurs, on se demande en ce moment pourquoi les migrants économiques viennent en France. Une des raisons principales que j'ai découverte en discutant avec un certain nombre de Guinéens, c'est que, en fait, l'esclavage des enfants n'est pas du tout aboli. Il y a des familles qui vendent leurs enfants, en fait, pour aller travailler pour des multinationales françaises. Que ça soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Et personne ne dit absolument rien là-dessus. Mais ce sont toujours des migrants économiques qui viennent chercher le bonheur en France. Enfin, bon, je voulais juste dire ça au passage, ça m'a évoqué. Et enfin, bref. Donc là aussi, il y a des discours à déconstruire, mais bon, c'est encore autre chose. Donc je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qui était dit, enfin sur l'ensemble du débat, hein, au risque de ne pas parler dans le même sens que les autres. C'est que j'ai l'impression, en sortir de la discussion, que l'écologie, c'est vraiment de la merde, et qu'il y a des bons révolutionnaires, c'est les durs de durs qui ont fait 68, qui ont fait tout ça, et les bons révolutionnaires, puis il y a les mauvais révolutionnaires, c'est ceux qui croient qu'on vit dans un monde, et qu'effectivement, dans ce monde, il y a des marges de manœuvre où, effectivement, on peut faire un espace à un moment donné. C'est donc, par exemple, de la ZAD, qui est un mouvement écologiste, que j'estime pas vraiment contre-révolutionnaire, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dans la mesure où ce mouvement il n'est pas seulement la réappropriation d'un espace, mais il est aussi l'occasion de créer des relations nouvelles, autres que des rapports de domination justement, créer des relations nouvelles entre les gens autour d'un projet qui devient un projet social et politique. Alors évidemment, à partir du moment où on sépare l'écologie d'un projet politique, effectivement, elle peut devenir transverse, c'est-à-dire que l'écologie peut être dans un discours de droite, dans un discours même d'extrême droite, paraît-il, pourquoi pas. Mais c'est pas parce qu'on parle de bastion social et que l'extrême droite a inventé ces bastions sociales que tous les squats doivent être assimilés à votre expérience et l'expérience fasciste. Il faut faire très attention quand même au manichéisme auquel le raisonnement peut amener à un moment donné. Je dis au manichéisme auquel le raisonnement peut amener à un moment donné, et c'est ça qui me paraît un peu dangereux dans la manière de présenter les choses. Tout comme quand on parle d'altermondialisme, puisqu'on parlait de vocabulaire, je ne pense pas que les gens qui se sont battus à Gênes soient des réformistes. Hein. Enfin, pour ma part, hein, je parle des altermondialistes qui se sont battus contre le G7, et je ne pense pas qu'on peut les taxer de réformisme. Quoi qu'encore le débat sur réformisme révolutionnaire, c'est un grand débat sur lequel je ne reviens pas. Mais enfin bon, pour revenir par exemple à une expérience comme les jardins partagés, évidemment, les jardins partagés, dans la mesure où ils s'insèrent au système économique, ils rentrent dans le système marchand, ils sont bien sûr complètement récupérés, mais dans la mesure où les jardins partagés commencent à permettre à des gens de se communiquer entre eux alors que ce n'était pas le cas avant, d'accord ? Même si communiquer, ça gêne certains d'entre vous, ben, j'emploie le terme communiquer, liberté au niveau du vocabulaire. Et je ne conçois pas, d'ailleurs qu'on mette des tabous sur le vocabulaire, et petite parenthèse, quoi à la place de la bienveillance, vous voulez mettre quoi à la place de la bienveillance ? Ah, c'est pas la malveillance. Alors, si ça permet de développer des rapports bienveillants entre les gens, si ça permet les jardins partagés de ne pas tomber dans la séparation et la division du travail entre les tâches qui sont confiées aux hommes et les tâches qui sont confiées aux femmes. D'accord ? Culturellement, ça marque une avancée. Si en plus, on collectivise au niveau après de la distribution, hein, entre les personnes qui ont participé et qui ont fait un effort de cultiver effectivement ensemble, là, on sort de la reproduction des rapports marchands. Donc, moi, je n'opposerai pas de manière aussi idéologique, j'allais dire, le bien, c'est la culture révolutionnaire et l'attente, effectivement, du matin du grand soir qui ne viendra jamais, parce que ça, c'est une vision mystique de la Révolution, voire judéo-chrétienne de la Révolution, où un jour, ça y est, la révélation va nous être apportée par le peuple, la conscience, c'est Dieu, hein, dans la philosophie marxiste, la conscience, c'est Dieu, et la conscience nous vient du peuple, hein, le fameux peuple, là, qui n'arrête pas de faire des conneries, d'ailleurs, hein, parce qu'il vote à l'extrême droite, en parenthèse, donc à bas le peuple, on n'en a rien à foutre, d'accord, de cette idéologie du peuple et du populisme, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Mais c'est cette vision judéo-chrétienne, je dis bien de la révolution, avec laquelle il faut en finir, quoi. Hein, où la conscience nous serait apportée par les masses. Les masses, la conscience de rien du tout. Les individus aussi sont porteurs de conscience. Et là, peut-être qu'on confond dans l'analyse, justement, la notion d'individualisme qui relève d'une pensée bourgeoise, effectivement, hein, une idéologie bourgeoise, l'individualisme, et l'individuation. Le mécanisme de l'individuation entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, vous n'y pouvez rien, c'est un mécanisme socioculturel. De toute façon, on est dans l'individuation, y compris dans les rapports entre militants. Moi, je vois évoluer les groupes militants depuis 40 ans. Le rapport au militantisme et les sources d'engagement dans le militantisme ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Pour moi, on est plus dans un tri sélectif aujourd'hui au niveau du militantisme, de je m'investis un petit peu là, je m'investis un petit peu là, en fonction de mes attirances et de mes intérêts personnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faudrait peut-être pas confondre l'individuation, qui est un phénomène de où l'individu échappe, en fait, historiquement, à la portée de son groupe. Hein, ce que j'entendais par non-individu, ça veut dire que j'ai une relative marge de manœuvre par rapport à mon émancipation. Donc, le projet de l'émancipation, pour moi, il passe autant par l'individu que par le collectif. Et il ne faut pas confondre individualisme et modifier le lien entre individu et collectif. C'est le lien entre l'individuel et le collectif qui est cassé aujourd'hui, d'accord ? Qu'il faut reconstruire quelque part. Et ça ne veut pas dire nier l'individu ou nier le collectif ou opposer les deux grandes idéologies du 19e siècle, l'individualisme petit bourgeois et puis le collectivisme marxiste. Alors ça fait débat même chez les anarchistes, puisqu'on a eu des débats entre anarchistes collectivistes, hein, anarcho-communistes, allez, on va dire comme ça, vous voyez être finalement hein, communiste. Voilà. Et, ben, et anarchiste, individualiste, d'accord avec moi. Donc ce débat-là, aujourd'hui, ben, il a traversé tout le 19e siècle. Je pense qu'il faut sortir de ce manichéisme-là, entre individu et collectif. Et quelque part, revoir un peu cette notion de libération, parce que pour moi, faire du développement personnel, être bien dans sa peau, pouvoir dire le fond de ma pensée, l'exprimer, l'argumenter, c'est pas incompatible avec la révolution, enfin, de mon point de vue. C'est juste une petite parenthèse. Ouais, ouais, l'idée, c'est pas de promouvoir la malveillance à la place de la bienveillance. Ou, voilà, est-ce qu'on veut promouvoir la malveillance? C'est ça ma question. Est-ce que vous voulez que la malveillance devienne un modèle de rapport social entre nous? Allez, pour vous, par qui? Qu'est-ce que c'est que cette affaire du vocabulaire? Le vocabulaire n'est pas la propriété du système. Le vocabulaire, il est ce qu'il en fait dans la mesure où on définit ce qu'on met sous les mots. Il y a quand même des trucs, par exemple, sur le vocabulaire de vivre ensemble, créer du lien et machin. À la fin, ça commence à être fatigant tout quel point c'est utilisé, parce que, de fait, il y a une mode de l'utilisation de ces concepts dans la communication politique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de défiance et complètement justifiée par rapport aux gouvernants. Et alors du coup, on lutte contre ça en mettant du vivre ensemble, un truc un peu niais dont on ne sait pas par où ça tient. Parce que moins il y a de sorts communs, moins il y a de sorts partagés entre les gens et moins il y a d'intérêts communs et moins on a raison de se tenir les uns par les autres. Donc je pense qu'il faut aussi, je pense qu'on peut se permettre aussi une certaine critique de vocabulaire et puis une certaine défiance de qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai, je pense que la bienveillance, c'est un truc qui m'interroge en fait, le succès de la notion. Et c'est pas pour prôner la malveillance. Oui, mais qu'est-ce qui t'interroge sur la notion de bienveillance? Et bah, par exemple, notamment, que je disais l'exemple du soignant. Un soignant, c'est quelqu'un qui te fait du bien, enfin qui a envie de ton bien et qui est dans une relation avec toi qui peut être aussi très autoritaire et qui, d'une manière, est attentatoire à la dignité des personnes. Et ça traverse plein de choses. Ça traverse plein de collectifs. Ça devient la violence institutionnelle. Il rentre dans une violence institutionnelle de la médecine, quoi. C'est-à-dire la médecine est toute puissante par rapport à l'individu, justement, et tu n'es que la chose et l'objet de la médecine. Là, il y a violence, effectivement, de l'expert, si tu préfères, sur le... Forcément, je donnais un exemple et tout, mais je vais t'en donner un autre. C'était à nuit debout, et il fallait absolument être bienveillant, et du coup, il y a quelqu'un qui a sorti un discours de préférence nationale, discours, et on s'est retrouvés deux à dire « bouh ». Et on s'est aperçu qu'on n'était que deux, et puis les gens étaient un peu « Oh, c'est malveillant, c'est pas bienveillant » et tout. Et alors du coup, c'était plus comme si la bienveillance était un truc à construire avec des gens qui ont un projet commun, enfin une idée commune et tout. C'était juste un droit humain de plus qu'on accordait même aux fachos. Et ça m'interrogeait en fait que la bienveillance, ça soit pas un truc qui est lié à un sens de la reconnaissance du qu'on a des choses à faire ensemble et autant le faire en ayant des rapports respectueux les uns vis-à-vis des autres. Mais c'était un slogan et puis une qualité relationnelle qui était due même à quelqu'un qui allait peut-être faire des ratonnades ou je sais pas quoi, être dans des mouvements identitaires et faire des choses qui sont carrément... Du coup, je trouvais qu'il y avait un côté extrêmement dépolitisé. Puis récemment, donc, j'ai vu Macron qui disait « Je suis une force bienveillante ». Je me suis dit « Non, non, c'est impossible ». Mais c'est pas, évident, c'est pas pour prôner la malveillance et tout. Et sur l'individualisme aussi, moi, j'ai un peu entendu parler d'individuation. J'ai pas lu Simondon, mais en revanche, j'ai côtoyé un petit peu Bernard Stiegler. Et à un moment, je me disais « Mais c'est quoi cette histoire d'individuation ?» Est-ce que c'est pas une manière de présenter les choses de manière assez jolie et qu'est-ce que c'est que l'individuation qu'est-ce qu'on fait pour est-ce que c'est pas une manière de présenter les choses qui en effet est plutôt sympathique d'une réalité qui est aussi assez problématique, sachant que c'est aussi très problématique les sociétés extrêmement non individuelles, elles sont aussi très autoritaires. Par exemple, moi en ce moment, j'ai repris des études et puis je fais des études d'indonésien. C'est une société dans laquelle personne n'est laissé de côté, mais c'est une société en revanche à chacun à sa place. Il y a une hiérarchie très forte. Et les sociétés, je ne sais même pas comment on dit, non individualistes comme la nôtre, les sociétés collectives. D'un point de vue de la sociologie, on appelle ça les sociétés individuelles et individualistes et individualistes. Oui, parce que moi je fais référence plutôt à un concept culturel en fait, pas au concept que tu fais allusion, en ce sens que, si tu veux, quand on distingue culturellement les cultures, par exemple, dites communautaires, des cultures dites individualistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu et qu'il n'y a pas de groupe dans l'une et l'autre, hein, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que dans l'une de ces cultures très communautaires, mon avenir dépend à la fois toujours du groupe social dont je viens. C'est-à-dire que dans le Moyen-Âge, tu étais paysan, tu es fils de paysan. Grand déterminisme paysan, social. Un déterminisme fort social, ça veut dire. Hein, d'accord. Et si tu appartiens à un groupe, je sais pas, de boucher, bah, tu deviens boucher, père en fils. Bon, dès lors qu'on rentre dans des sociétés dites individualistes, effectivement, pas au sens de l'individualisme comme culture économique du capitalisme, c'est pas de ça dont je parle, ça veut dire que l'individu se donne, ça veut pas dire qu'il est réussi, hein, se donne une capacité de s'émanciper du groupe social d'appartenance. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, dans le lien au collectif, il n'existe plus que pour le collectif, il existe aussi pour lui-même. C'est dans ces sociétés. Ça veut pas dire que le collectif n'existe plus. Exemple, même aux États-Unis, qui est une culture hyper individualiste, on retrouve quand même des constructions très communautaires, notamment dans leur fonctionnement très communautariste vis-à-vis des communautés de culture étrangère, entre guillemets, d'origine étrangère. Donc on retrouve très forte notion. L'exemple que je donne dans le bouquin, c'est qu'une société individualiste, c'est une société aussi dans laquelle les gens choisissent leur métier et prennent pas le métier de leurs parents. Les gens choisissent leur lieu de résidence et ne vont pas habiter chez leurs parents tout le temps, ou chez les parents, ou chez les beaux-parents. Et c'est une société dans laquelle, en fait, je disais que c'était une chose de stigmatiser l'individualisme ambiant, mais il y avait aussi une base culturelle qui était extrêmement forte et qui était pour nous assez, assez évidente. Et du coup, je me disais que c'était aussi... En ayant un discours un peu l'emporte-pièce de toute façon, l'individualisme c'est de la merde, qu'on s'empêche aussi de réfléchir sur c'est quoi les rapports entre nous et les autres, à partir du moment où on ne se rend pas compte qu'on est très très marqué par cet individualisme-là. Et du coup, ça veut dire que, en effet, les allégeances qu'on a, notamment dans les groupes militants au groupe, elles sont de fait vachement plus souples et fragiles. Alors, souple c'est sympa, fragile ça l'est moins. Et qui font qu'il y a une certaine insécurité aussi dans les groupes militants qui se reconfigurent aussi au gré de désirs individuels. Et d'une certaine manière, ça nous fait plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui est une manière de ne pas faire violence aussi. Ça nous ferait vraiment violence si on devait être... Ben voilà, j'accepte d'être bénévole à la brique pour les 20 prochaines années. Minimum 2 heures de travail hebdomadaire. Donc ça ferait... Je pense que c'est des choses qui nous heurteraient beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que d'une certaine manière, trop de souplesse et puis trop de choix individuels aussi, dans le sens d'être tout le temps en train de naviguer, qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour moi aujourd'hui ? Est-ce que ça sera de faire la perme à la griffe ou est-ce que ça sera d'aller voir ma copine, mon copain, ah ben non, en fait, je vais les laisser tomber, je m'en fous, le plus important, c'est moi. Et donc je pense qu'il y a aussi une certaine mesure aussi dans la condamnation de l'individualisme qu'il faut avoir et qu'en fait on est ouais c'est juste histoire de complexifier un peu le truc de pas utiliser des mots trop simples et puis des mots c'est le bien et puis d'autres mots c'est le mal quoi et de voir un peu qu'il y a du Si je peux me permettre, dans ton bouquin, tu le poses très clairement, tu poses la question du libéralisme et de l'individualisme d'entrée de jeu. Et moi, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le libéralisme a conduit à la question de l'individu en créant cette personne qui pourrait acquérir des libertés, s'émanciper de l'État, etc. Le libéralisme, c'est quand même construit en plus sur des trucs affreux, en disant, oui, il y a des individus, on est tous égaux, on est tous libres, mais on n'est pas tous égaux, parce que les esclaves, là, noirs, quand même, on en a besoin pour qu'ils nous permettent, nous, de nous enrichir, etc. C'est quand même ça, le libéralisme. Du coup, moi, je pense qu'il faut pas non plus opposer la question de l'individu à la question de la société, en fait, ou du collectif. De partout, on est tous des individus, des entités, etc. Et de partout, on retrouve l'individu. Sauf que l'individualisme, pour moi, il pointe du doigt un truc particulier, qui a un processus très particulier, qui vise à dire l'individu est maître de lui, de tout son corps, de son espace, de ses relations, etc., au détriment, en fait, d'une pensée qui voudrait être plus collective. Et tout à l'heure, moi, je faisais la distinction au niveau social des sociétés individualistes ou individualistes. Les sociétés individualistes, c'est les sociétés qui réfléchissent moins en termes d'individu qu'en termes de collectif, et que le collectif, la communauté, ou etc., c'est clair qu'on est dans des rapports un peu traditionnalistes, où on est quand même déterminé par un monde culturel et social, etc. Ça n'empêche pas que les gens peuvent sortir de ces schémas-là. Mais il y a quand même cette pensée que c'est ensemble qu'on peut faire des choses, quoi. Dans la nôtre, force est de constater que, quand même... Je pense que c'est le moment de parler du DIY. C'est la question que je voulais te poser, moi. Le Castorama contre Castoria 10 et le DIY. Alors, c'était... Oui, un jour je me suis endormie en écrivant. J'avais écrit un texte sur le DIY et puis. Et c'est quoi le DIY? Le do it yourself. Pardon. Do it yourself. C'est des pratiques. C'est des pratiques d'autoproduction. Et donc j'avais écrit un texte un peu méchant et tout. Je me souviens, je l'avais publié, je m'étais dit, bon, je regarderai les fautes d'orthographe demain, et puis je me réveille le lendemain et le texte avait été diffusé partout, tout le monde avait vu les fautes et tout, j'étais un peu dégoûtée. Et donc j'avais continué un petit peu à creuser. Et en fait, c'était le truc, il était né d'une intuition, c'était que le do it yourself, c'était quelque chose avec des. C'était des pratiques avec des bases assez claires, en fait, qui venaient du mouvement punk, qui étaient des pratiques plutôt sympathiques, en fait, qui sont en musique aussi, c'est les petits labels, en l'ouverture des squats aussi, c'est pratiques de bricolage pour permettre, de réaménager un lieu pour que des gens puissent y vivre. C'est plein de pratiques de milieux très très radicaux. Et en même temps, le do it yourself, c'est aussi la manière dont on dit grande surface de bricolage en anglais, quoi. Et donc c'est à la fois le bricolage et une pratique politique et un mouvement qui fait partie aussi des alternatives écolo, c'est une certaine diffusion des pratiques de do-it-yourself avec notamment d'autoproduction à la maison et je pense aussi de son savon. Oui, du savon, de la bouffe aussi, parce que évidemment c'est pour des raisons assez sympathiques qui sont que, en effet, être sous perfusion industrielle et complètement déculturé et puis pas savoir faire des objets et pas savoir faire ne serait-ce que se faire à manger, c'était un truc qui pose question. Et du coup, il y a une certaine un truc assez positif autour du do-it-yourself. Et moi, je m'étais amusée. Et puis, je m'étais rendu compte qu'il y avait une certaine un truc que j'appréciais pas trop, en fait. C'était de voir qu'il y avait un do-it-yourself un peu bourgeois ou petit bourgeois. Avec des gens qui se disent « Oh, ben moi, je vais regarder un tuto sur Internet et puis j'apprendrai à faire ci et ça et tout. » De gens qui s'emparaient véritablement du métier de plein de gens. Bon, évidemment, ça m'avait choqué parce que des gens s'étaient emparés de mon métier. Et c'était des ingénieurs. Il y avait un ingénieur en informatique qui bossait à IBM. Il y avait des gens avec qui je faisais une revue et qui s'étaient pas rendu compte que c'était moi qui faisais le boulot, en fait. Et du coup, ils avaient un peu improvisé mon travail, puis moi, je passais derrière, puis je faisais le truc nickel, et puis il y a des exemples ici encore. Puis voilà, je livrais la revue, et puis ils disaient « Ah, vraiment, on a bien travaillé !» Et quand je leur disais « Il y a du métier », ils me disaient « Bah non, en fait, tous les métiers, tout le monde peut les apprendre. » Ouais, mais moi, je ne suis pas cadre informatique à IBM, et je ne suis pas directeur adjoint de CPM, et je ne gagne pas beaucoup de sous, donc si tu veux, je suis payée par les minima sociaux à faire cette revue. Donc je me sentais un peu pas bien par rapport à ça, et du coup ça m'a aidé aussi à me rendre compte que quand quelqu'un dit « Ouais, de toute façon, moi je fais aussi bien qu'un boulanger », me dire « Mais putain, le boulanger quand même, c'est pas la même vie, et puis c'est pas la même savoir-faire, et puis c'est pas... » Et du coup j'ai commencé à être un peu critique d'une certaine forme de do-it-yourself qui vise à improviser un peu tous les métiers. Avec un... Évidemment, c'est les métiers les moins payés, bizarrement, qui sont les plus réappropriés comme ça par des gens qui ont finalement beaucoup de capital culturel, qui sont capables d'aller chercher des infos, d'apprendre beaucoup de choses, de se payer des cours éventuellement aussi. Et puis, qui au final bâtissent une idée de l'individu en majesté, toute puissance, qui est capable d'augmenter au fur et à mesure le prisme de ses actions, enfin, de ce qu'il sait faire. Et du coup, je trouvais qu'il y avait des pratiques extrêmement valorisantes et valorisées dans la petite bourgeoisie de faire soi-même. Et qu'à côté, je voyais un autre do-it-yourself qui ne s'appelait pas du tout do-it-yourself, qui s'appelait plutôt bricolage ou c'est normal, je le fais moi-même. Enfin, des choses qui étaient beaucoup plus communes, qui étaient alors pour le coup... Excusez-moi d'être un peu dichotomique comme ça et de dire que la campagne, c'est formidable et tout. Mais du coup, je m'étais rendu compte que dans ma campagne... les gens n'étaient pas... En fait, j'avais deux modèles. J'avais mon père d'un côté, qui avait des trucs de do-it-yourself un peu pavillonnaire, qui achetait des objets pour faire des choses tout seul parce qu'il ne voulait pas demander aux voisins. Je vous assure, il a acheté un pressoir à pommes parce qu'il ne voulait pas demander aux voisins de 80 ans qui s'emmerdaient et qui auraient été tout à fait d'accord pour passer l'après-midi à presser des pommes avec lui. Et donc, il achetait des objets comme ça, avec l'idée d'autosuffisance, et surtout pas emmerder les voisins. Il ne faisait pas parce qu'il était méchant, mais aussi par peur de gêner, parce que, de fait, il avait une culture un peu pas très villageoise, en fait. Et puis derrière, il y avait à côté mon frangin, qui, alors pour le coup, entretenait une multiplicité de liens extrêmement mystérieux, de donner plein de choses à plein de gens, et de recevoir plein de choses de plein de gens. Avec des circuits de dons, de contre-dons assez fabuleux, et qui permettaient jamais de comprendre où est-ce qu'il avait vraiment récupéré tel truc. Et donc mon père passait son temps à dire « Mais tu donnes plein de choses à plein de gens, ou alors « Mais tu récupères plein de choses de plein de... » Et il ne se rendait pas compte qu'en fait c'était des circuits de solidarité, enfin une circulation, on va dire, des biens et des services. Et en fait, cette circulation, elle était basée sur le fait que les gens ont une ou plusieurs spécialités et s'échangent des coups de main. Alors ma vision, elle est un petit peu idyllique et puis un petit peu irénique, et je pense qu'on peut me dire « Non, mais quand même, t'exagères un petit peu ». Mais disons que globalement, j'avais l'impression qu'à la campagne, il y avait pas du tout... c'était très pavillonnaire, en fait, ce truc d'extension du domaine de « je sais faire plein de choses ». Et du coup, en plus... Ça passait par le recours à Castorama ou à Leroy Merlin, avec un suréquipement aussi des ménages. Et qu'en revanche, à côté, il y avait ce truc de spécialité qui est un peu aussi... qui nous pose question aussi, parce qu'on est nombreux à être contre la spécialisation des tâches et tout ça. Mais de fait, spécialiser, ça permet aussi d'échanger. En fait, c'est un des côtés plutôt positifs. Et donc je posais le do-it-yourself à des pratiques d'autoproduction qui en plus sont qui sont vachement plus intéressantes, parce qu'au final, bah, c'est des produits de meilleure qualité qui sont faits potentiellement avec des économies d'échelle un peu plus intéressantes que quand tu fais un pain tout seul dans ton four électrique, que tu préchauffes le four et qu'une fois qu'il est chaud, bah voilà, ton truc il est cuit et bah, tu te sers pas de l'inertie de la chaleur dans le four. Et du coup, moi j'étais plus intéressée par les pratiques d'autoproduction qui supposent l'échange. Et par exemple, s'il faut trouver des exemples, ça serait... autour de moi, il y avait un copain aussi qui pensait pouvoir éventuellement se lancer dans une activité de boulangerie et qui faisait une fournée par... une fournée par semaine dans son four électrique de chez lui, mais il en faisait 20, et puis il les échangeait avec les copains filaient des sous, et puis en échange, lui, il apprenait à faire le pain, et je trouvais ça vachement plus intéressant que faire son petit pain tout seul. Et puis et je me souviens, je m'étais engueulée avec avec une femme qui avait un blog qui mettait en avant le fait qu'elle faisait son pain toute seule. Et puis et j'avais remarqué qu'elle habitait à Saint-Brieuc, et elle disait, ouais, le pain on mange toute la semaine avec mon copain et il déchire et tout. Je m'étais dit, ben voilà, c'est un petit couple briochin qui pratique l'exclusivité pâtissière et ou boulangère. Et du coup, j'ai rigolé un petit peu, je l'ai pas mis dedans, mais parce que j'ai pas eu droit à être sarcastique et ironique. Mais sinon, sur le blog, ça casse un peu plus. Et donc, je trouvais ça très pauvre, en fait, ce modèle de vie où, voilà, toutes les semaines, madame fait son pain, et alors il n'y a que son copain qui le mange, et il ne mange que son pain. Et je trouvais ça pauvre par rapport au sens qu'on peut avoir de la ville, des échanges, de tout ça. Et alors, évidemment, ce échange, ça fait aussi économie, mais ce n'est pas forcément des échanges marchands, ce n'est pas forcément des échanges monétaires, ce n'est pas forcément des échanges immédiats aussi. Et donc voilà, j'avais opposé les deux, et puis je sais pas si... Évidemment, l'idée étant de sortir de ce truc-là, de société industrielle, où on est complètement déculturé et on sait plus rien produire tout seul, mais pas non plus de rentrer dans un truc d'autoproduction avec l'imprimante 3D à la maison, et puis on n'a plus besoin de sortir pour voir des gens, quoi. Donc voilà, c'est pas non plus... Chaque fois, en fait, c'était l'idée, c'est pas de promouvoir... Enfin, c'est pas de refuser l'écologie, c'est pas de dire qu'on en a rien à foutre de l'environnement, qu'on va aller pousser le caddie et qu'on sera beaucoup plus heureux comme ça. C'est d'interroger, en tout cas, certaines solutions qui sont apportées, qui me semblent moyennes, quoi. Mais, et puis, il y a la question de l'autonomie, parce que tu dis... un do-it-yourself centré sur la prise d'autonomie individuelle et la montée en compétence sur toutes sortes de savoir-faire, étant encore l'aisance et la domination sociale exercée par ces classes qui y trouvent la satisfaction de faire avec leurs mains. Et après, derrière, tu dis, Cornelius Castoriadis défendait un projet d'autonomie, c'est-à-dire un projet d'autonomie qui dit de l'autodétermination populaire de liberté d'un peuple assemblé à se choisir un destin commun. Et tu rajoutes derrière, la philosophie politique classique considère l'autonomie comme une liberté incarnée dans la capacité à se poser des règles, ce qui signifie s'interdire des choix pour mieux s'engager avec d'autres et par conséquent savoir limiter sa puissance. Et tu vois, du coup, tu opposes quand même des visions de l'autonomie qui ont rien à voir, quoi, pour le coup. Oui, il y avait l'autonomie de je vais faire moi-même, avec, sachant que la machine à pain, je l'ai achetée, que l'eau, elle coule du robinet, que le four, il est électrique, que la farine, elle vient du supermarché. Et puis essayer de faire une vraie autonomie. Et par exemple, ça pourrait être justement à Lille, dans un jardin partagé, il y a un four à pain. Et un four à pain avec du bois, donc on sait d'où il vient, on s'est débrouillé avec des forestiers pour l'acheter, ou de la farine d'un producteur près de chez nous qui moue aussi son pain. Mais vraiment, il y a une autonomie de façade, en fait. C'est vrai qu'on m'a dit que j'utilise beaucoup le mot de façade, mais c'est vrai que cette autonomie de façade, elle m'énervait, en fait. Et les gens étaient très, très contents, en fait, très fiers de ça. Et puis... voilà, c'est parce que j'avais envie de râler, donc je commençais à râler, puis après les gens disent « Ah, c'est intéressant quand tu râles et tout, donc je râle encore plus », et puis voilà, au final c'est devenu ce petit livre qui est plein de râleries constructives, enfin j'espère. Hein. Ouais. Et sinon, si vous vous ennuyez, on peut parler du revenu garanti. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça. Ouais. Ben, le revenu garanti, moi j'ai beaucoup écrit sur le revenu garanti, un peu parce que je suis au chômage depuis très très longtemps et j'ai pas vraiment de problèmes de subsistance et tout, mais voilà, j'ai des problèmes de travail et de trouver un sort commun avec les gens sur le travail. Comme je disais, j'ai fait la revue L'An 02, c'était vraiment très très chouette, sauf qu'en fait j'avais pas de collègues et que j'avais l'impression d'avoir des patrons, quoi, une bande de patrons, mais pas de collègues. Je pense vraiment qu'un truc qui est... intéressant dans le travail, alors c'est peut-être la seule chose, enfin je pense que c'est pas la seule, je pense que c'est une activité qui est extrêmement ambiguë, sur laquelle il y a des choses super et des choses horribles, et une des choses qui moi me tient à cœur et que je trouve chouette, c'est d'avoir un sort partagé, en fait, c'est d'avoir un truc qui nous fait tenir ensemble, quoi. Et sachant qu'il y a vraiment des choses abominables et tout, mais moi c'est un truc qui me tient à cœur. Et à côté de ça, je vois les affiches qui promeuvent le revenu garanti. Alors c'est devenu vachement fort, ça a commencé en 2013, le truc que revienne en force. Mais moi déjà en 99, quand dans mon assaut de jeunes écolos, on était à fond pour le revenu garanti. Et d'abord l'extension du RSA, ou à l'époque c'était le RMI, le RSA aux personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Et puis ensuite, un revenu garanti qui permettrait vraiment à chacun de s'investir dans les activités, machin. J'étais vraiment très, très pour. Et puis après, il y a eu 10 ans de chômage, il y a eu un surinvestissement dans des trucs écolo, bénévoles, machin. Et à la fin, j'étais plus... À la fin, quand je voyais les affiches là, du groupe pour le revenu de base, ça m'énervait vraiment, puisqu'ils disaient « Que feriez-vous ? Et vous, que feriez-vous avec 1000 euros ?» Et puis chacun sortait son petit rêve de vie... Oh, ben moi je ferai ci, ben moi je ferai ça. Et je me disais, ben, y a un truc quand même qui est problématique dans ces affiches, c'est que finalement, ben, c'est une personne qui se dit, ah, qu'est-ce que je vais faire tout seul dans mon coin avec mon petit argent, quoi. Et du coup, ça me faisait vraiment. Ça me bousculait parce que finalement, y a une idée vraiment de laisser chacun à soi-même avec la possibilité de. Si t'as un super capital social, un super capital culturel, tu vas faire des trucs super intéressants avec des gens super intéressants. En revanche, si t'es plus isolé, tu vas faire des choses moins riches, et puis tu vas peut-être déprimer, tu vas peut-être être tellement glauque que plus personne n'aura envie de venir te voir. Et ce qui m'a un peu confortée dans cette idée-là, c'est qu'en fait, quand on fait des études sur « Et vous, qu'est-ce que vous feriez avec 1000 euros ?» ou « Est-ce que si vous gagnez au loto, vous arrêteriez de travailler ?» On s'aperçoit que les gens qui sont le moins disposés à arrêter de travailler, c'est les gens qui ont les boulots les moins qualifiés, les moins intéressants, parce que c'est des gens qui sont le plus dépendants du boulot pour avoir une vie sociale. Et c'est des gens qui ont le moins de capital social et culturel pour faire des trucs plus intéressants. Et en revanche, si on demande à un intello précaire, eh ben toi, qu'est-ce que tu ferais avec 1000 euros par mois ? Ben, moi, je vais écrire mes livres et puis je vais m'épanouir aussi dans mes activités intellectuelles. Et cette personne, elle a pas tort, c'est son expérience à elle, et je le comprends tout à fait. Mais je trouvais que justement, il y avait un renvoi de chacun à sa responsabilité individuelle qui me posait plutôt problème. Sachant qu'avec ça, comme je suis féministe, je pense je pense que j'ai beaucoup de copines qui seraient tentées aussi de arrêter le temps d'élever ses enfants et du coup de la facilité avec laquelle, avec un revenu garanti, c'est possible de rester à la maison et puis de s'occuper de choses, parce qu'il y a des trucs super intéressants à faire à la maison, surtout quand vous décidez de manger, de cuisiner tout ce que vous faites, ça fait déjà pas mal de temps. Il y a plein de choses d'autoproduction, il y a plein de choses avec les voisins, il y a plein de choses intéressantes et tout. Mais du coup, ce qui m'emmerdait en fait dans ça, c'est que notamment sur la question des femmes, c'est pas que la vie des femmes, elle serait pauvre et bête, et que les femmes, elles auraient... C'est que quand même, si on sort pas du modèle du salariat, enfin si on remet pas en question le salariat et que les hommes sont toujours les mecs qui apportent, parce que les hommes continueraient de travailler, et puis surtout les hommes avec les meilleurs... les boulots les plus gratifiants avec les salaires, ou les plus gratifiants sur le plan symbolique, évidemment c'est les personnes les plus gratifiées qui arrêtent le moins de travailler, et finalement une société assez inégalitaire, et notamment au niveau du couple. Et ça me posait problème, et le fait qu'aussi, quand j'ai sonné un petit peu l'alerte, personne voulait l'entendre aussi, ça m'énervait un petit peu, parce que je trouvais que c'était justement un déni en fait des inégalités, un déni de, et puis une surévaluation en fait de la liberté de chacun à s'épanouir et à faire des choses intéressantes. Et donc c'est pas un jugement. Alors il y a des gens qui m'ont dit des fois que c'était un jugement un peu moral, où je supposais qu'il y avait des gens qui allaient faire des trucs pas intéressants de leur vie et tout ça, mais même moi qui ai un certain capital et tout, ça m'arrive de m'emmerder. Enfin, si j'ai repris des études d'indonésien, c'est clairement parce que je m'emmerde dans la vie et que j'avais fini le bouquin, donc il fallait bien que je me trouve un truc à faire. Et donc c'est un sort que je partage, c'est pour ça que j'en parle avec autant de colère. Alors dans la petite brochure que j'avais faite, et puis beaucoup moins dans Égologie, parce que là il fallait un peu lisser, et puis, mais j'ai gardé un peu les principaux arguments, quoi. Sachant que je pense, enfin je comprends tout à fait que c'est un outil de lutte contre la pauvreté, que d'une certaine manière, comme le travail est un marché, ça donne un petit peu de pouvoir dans le rapport de force aux travailleurs. Et je comprends aussi pour une grande part, le travail salarié ou rémunéré est pour une grande part de la merde, avec des rapports sociaux qui sont très violents et tout. Mais en tout cas, j'avais envie d'apporter cette petite... de demander un peu cette petite vigilance par rapport au fait que si on fout pas en l'air le salariat, c'est un peu emmerdant de faire de permettre à des gens de s'en exclure en fait et de s'exclure de cette sphère là et puis que du coup on aurait une société qui est relativement plus clivée. Donc voilà, c'est un des trucs. Alors c'est pas un discours qui est complètement central dans l'écologie, mais il y a quand même ce truc là sur les sorts, l'abandon du sort collectif et le surinvestissement des choix individuels de vie. Donc je pense que ça fait partie pas mal des alternatives, ce revenu garanti. Ah zut, j'ai tué la conversation. Enfin, juste un point de vue du marxisme du 19e siècle. Moi, je dirais que ce qui me dérange dans le revenu garanti, c'est que c'est conjugué à toutes les sauces, ça peut être tout et son contraire. Ça peut être, et moi, ce qui m'embête, c'est un peu le genre, c'est en gros, c'est le solde de tout compte. C'est un genre solde de tout compte, donc voilà, vous êtes bien sympathique. On va décider de manière. D'ailleurs, qui décide? Parce que c'est là, du coup, c'est pas du tout bottom-up, hein, c'est posé, c'est mis sur la table par des gens qui ont intérêt à ce que ça se pratique. Et en fait, il y a un peu de ça. C'est vraiment le solde de tout compte. Et puis, c'est toute l'ambiguïté aussi. Bon, je ne reviendrai pas tout à l'heure sur les déclarations qui sont énormément intéressantes. C'est, le travail, c'est salarial. Le salariat, c'est une subordination juridique. C'est le pouvoir, c'est la répression, c'est plein de choses, etc. Et il y a aussi le côté paradoxal, comme tu dis, pour beaucoup de gens, peu qu'il y ait peut-être culturel, ça peut être un lieu de socialisation. Puis, c'est un lieu aussi où tu peux lutter des fois. Et tu peux découvrir, et ça peut paradoxalement aussi être des fois un lieu d'émancipation. Tu as des grèves qui vont se monter dans des boîtes, des piquets de grève, et quand tu discutes avec les gens, c'est toujours très agréable, tu vois, les gens se révèlent, il y a un côté émancipateur. Ils découvrent que, oui tiens, c'est pas pareil, j'ai vu mon patron, on regardait ses pompes. Tu vois, pour une personne qui est pour un ouvrier, par exemple, schématisme, une caissière casino, c'est plutôt émancipateur et c'est une certaine gratification. Tu vois, le pouvoir, il est là, tu l'as, t'as pouvoir résister, de dire à ton patron, c'est pas un miel, on va discuter, les gars. Et c'est pour ça que cette notion de revenu garanti, je suis plutôt partagé. Je vois ça en toi, est-ce que tu considères qu'en fait c'est une route pour s'émanciper là-dessus, je suis assez partagé. Quoi. Je veux dire, je suis même plutôt contre, a priori, de ce qui va en soi. Moi, je suis. Bah, du coup. Comme le débat, il n'est pas très très intéressant. En fait, j'ai l'impression que ça sert de doudou aux gens un peu. Ouais. Mais il y a beaucoup d'alternatives écolo qui servent un peu de doudou, qui sont un peu des solutions auxquelles les gens ils s'accrochent aussi parce que par facilité, il y a ce caractère un peu de solutionniste, de tenir vachement à des concepts qui vont être des réponses en fait, des réponses un peu simples et tout et je pense qu'il y a un côté doudou par rapport au fait qu'il y a pas mal de gens qui en chient au travail. Mais au-delà de la fonction comme ça, je suis plutôt, disons que... Comme j'ai reçu des réponses plutôt négatives ou de gens qui m'expliquent une deuxième fois auquel j'aurais pas compris la première, en fait, alors que je viens de bien expliquer qu'en 99, j'étais à fond pour, et gens qui ont découvert ça deux ans avant qui me réexpliquent comme si je n'avais pas compris... Et donc vraiment j'ai un peu du coup j'ai fini par devenir vraiment pénible et vraiment anti revenu garanti, mais je pense qu'il y a un truc qui est assez embêtant dans les alternatives écolo, c'est que les questions liées au travail elles sont quand même extraordinairement peu présentes. Et par exemple il y a une variété de revenu garanti qui est proposée par des gens de la décroissance et c'est Vincent Liéger et puis d'autres personnes dont j'ai oublié, et Christophe Madeleine aussi, enfin tout un petit groupe de gens très intelligents, enfin des ingénieurs ou des gens très très forts, qui ont écrit ce petit bouquin, un petit bouquin qui présente leur projet, et dans lequel ils parlent beaucoup de consommation en fait. Et par exemple, ils proposent qu'une partie du revenu garanti, elle soit monétaire, et l'autre partie, elle soit en nature. Et que la nature, elle dépend aussi des conditions, que par exemple, on ne file pas autant de fuel pour le chauffage à Marseille ou à Lille, quoi. Parce que parce que c'est vrai, les besoins ne sont pas exactement les mêmes, mais qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent en nature, ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, c'est plus un droit, on va dire, dématérialisé, c'est un truc très concret et qui change les conditions matérielles et puis qui, du coup, sort un petit peu du marché. Donc il y a des trucs un petit peu intéressants dans ça, mais je me disais à la fin, mais dans votre bouquin, vous parlez que des trucs auxquels on a droit, et puis des choses qu'on a en tant que consommateur, enfin des choses à consommer, mais il n'y a rien sur comment est-ce qu'on va produire les choses, quoi. Et ça, en fait, ça m'embêtait un peu que cette dimension-là, de nous en tant que producteurs, elle ne soit jamais prise en compte dans les alternatives écolo. Et je pense que c'est un peu embêtant et que du coup, il y a ce truc-là des alternatives écolo qui sont vachement à la mode, et puis le syndicalisme qui ringard. Et du coup, on s'interdit aussi, d'une certaine manière, de travailler sur une dimension qui est extrêmement importante de la vie collective, qui est comment on produit les choses, et qui, quand, comment, à quel prix, et ce genre de choses. Et ça, c'était... Et je dis souvent, là, que... Enfin, pas souvent et tout, mais c'était... André Gorz, qui est un philosophe qui est prisé pour... qui était plutôt pour le revenu garanti, qui est mort il y a 10 ans, et qui est souvent cité. Mais André Gorz, il a dit aussi que l'écologie, c'était aussi un truc important, c'était de décider ce qu'on produit, avec quelle procédure, qui c'est qui le fait et qui est payé comment. Enfin, il dit c'est quand même le gros sujet de l'écologie, c'est ça. Mais si plus personne produit, enfin si en tout cas on a tous notre revenu garanti et c'est chacun sa gueule, on le décide plus ensemble, quoi. Donc je pense qu'à un moment il faut aussi que s'emparer des questions de travail et puis des questions aussi économiques aussi, de travail, plus-value, capital, etc. C'est-à-dire toutes les questions très très ennuyeuses que moi, en titre de alter écologiste, j'ai essayé d'éviter pendant une longue carrière militante. Mais on peut en parler ce soir. Absolument open. Je sais pas, après, si il y a une chose qui se fait aussi bien à Griffe, après, c'est de boire des canons et de discuter en petits groupes comme ça, pour ceux qui ont envie de rester. Je dis ça parce qu'il y a un peu la moitié qui est partie, mais après, du coup, ça crée peut-être un truc moins formel, enfin, je sais pas. Ça me juste un petit commentaire sur cette question du salariat. Enfin, moi, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Mais si on considère que le salariat, c'est l'échange, effectivement, de ma force de travail, on va dire, ou de ma compétence intellectuelle ou manuelle, peu importe, contre un salaire, on est dans la notion de valeur. Or, ce lien, il est à la base de l'aliénation, c'est-à-dire que le travail salarié, hein, j'entends, le travail salarié est basé sur la notion de valeur et de plus-value que peut tirer son capital de cette notion. Donc si on casse ce lien, c'est-à-dire ce lien entre la rémunération et l'emploi, je ne dis pas qu'on abolit la notion de salariat ou qu'on abolit l'individualisme, hein, pas du tout. Mais on attaque aussi indirectement ce sacro lien entre je vends ma force de travail ou je vends ma compétence, et c'est la base de l'aliénation qui permet au capitalisme de faire de la plus-value dessus, ou au système de se reproduire, si tu préfères, pour ceux qui font un travail intellectuel, qui sont dans la reproduction du système à travers ce travail. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, à partir de là, je me dis, pourquoi pas un revenu minimum garanti ? Parce que là se posera la question du vide de la vie, justement, que tu as évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on se retrouve sans activité, moi ça m'est arrivé sur des périodes comme toi, ça t'est arrivé, hein, de me retrouver dans des périodes de longue inactivité, tu te poses la question de ton existence sociale, réellement, tu vois ? Mais on ne peut pas conserver le travail aliénant tel qu'il est aujourd'hui pour dire on conserve un lien à la société. On peut très bien aussi créer d'autres. Générer d'autres formes d'activité, c'est ça que je veux dire, et que c'est pas parce qu'on dissocie justement le salaire du travail, en tant que tel, travail officiel, qu'on n'a pas d'autres activités, y compris celles qui consistent à créer des relations sociales saines, à créer des lieux de production, pourquoi pas, autres, différents, repenser cette notion de production de consommation, on peut aussi se consacrer à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est un peu ça. Sur les réformes du travail et tout, moi, la piste que je trouve la plus intéressante, justement, c'est celle d'André Gorz dans les années 70, c'est la réduction du travail, du temps de travail à la semaine, voire à la journée, pour permettre aux gens de passer plus de temps chez eux, dans leur voisinage, et puis pouvoir se faire à bouffer, et que la journée de travail, elle finisse à 3h de l'après-midi, voire à midi. Non plus, mais c'est pour ça que j'en parle comme d'une réforme, en tout cas, je trouve que, en plus, ça permettrait de le... De, Je pense que c'est plus intéressant en fait d'ouvrir des, en fait plutôt de se dire que le, de réduire le temps de travail pas, enfin voilà, de réduire le temps de travail global en disant à des gens ben au revoir les gens, vous pouvez continuer avec votre revenu garanti, vous n'êtes plus obligé de participer. Je trouve ça moins intéressant que de le réduire pour tout le monde et de forcer tout le monde à le réduire, y compris les types qui sont pères de famille et qui aimeraient bien arriver à 8 heures après le bain quand les enfants sont couchés et qui seront obligés d'arriver plus tôt, et de le réduire pour tout le monde en fait, de forcer un peu tout le monde à sortir de cette aliénation et puis à redécouvrir la vie et puis à participer, parce que finalement les gens qui arrivent à 8 heures quand les enfants sont couchés, qui font du présentéisme au boulot pour être sûr de ne pas participer, c'est des gens qui sont qui sont toxiques et parasites, qui sont parasites de leur épouse, qui sont parasites de leur femme de ménage, qui sont parasites de tous ces gens-là. Et donc, oui, une réduction. Et du coup, un truc un peu collectif de non, mais on réduit pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas des gens qui vont continuer à trimer et à être très gratifiés, et puis des gens qui vont arrêter. Mais bon, c'est pas non plus ma spécialité. Et pour Cord, c'était dégager du temps, justement, pour faire d'autres choses que travailler, quoi. Ouais. Et puis pas le week-end, en fait. Pas de dégager du temps de vendredi libre, et comme ça, tu pars en week-end 3 jours, mais dégager du temps où t'es chez toi, dans ton voisinage, et près de toi, c'est ça. Au quotidien. D'autres formes de liens. Ouais. C'est un peu ça. Dans la même collection de bouquins que toi, il y a Métro Boulot Chino. J'ai adoré la vision, enfin j'ai vraiment aimé la vision de, je crois que c'est des grenoblois, je ne me rappelle plus leur nom. Pièce et main d'œuvre. Ouais, pièce et main d'œuvre, qui attaque vraiment le salariat et qui attaque même les salariés en leur disant mais en fait vous n'êtes pas plus con que les autres, et en fait on n'aime pas du tout justement le côté syndicalisme et un peu on va aller contre le patron, puis en fait une fois qu'on attaque l'entreprise, ils deviennent les meilleurs alliés du patron pour sauver leur entreprise qui peut être ultra polluante ou ultra aliénante, etc. Et d'un coup en fait ça posait plein de questions, genre merde, c'est vrai que par exemple mon père travaille dans une entreprise ultra polluante et ultra pourrie, tu vois, genre il agit CR Solar Vital, et ben lui il veut dire ouais on fait une lutte pour on va faire la grève comme disait le copain là-bas, on va faire le copain pour parler avec le patron et le faire regarder ses chaussures. Mais si on ne remet pas en cause la position du salarié et de bah, je vais quand même au boulot pour avoir un peu d'argent et continuer à vivre, bah, je trouve que c'est hyper bizarre. Et en même temps, le gars veut dire bah, vas-y, j'arrête de travailler et puis bah, on verra quoi. Et là, on rentre dans une question qui est hyper difficile. Est-ce que j'arrête mon activité salariale? Du coup, je prends du temps pour réfléchir et finalement retourner à, juste à mon jardin et me satisfaire de peu. Mais du coup, on revient dans un individualisme, ou alors on crée une fonction, machin, etc. Et on sort collectivement du salariat, c'est ultra compliqué en fait. Mais j'ai vraiment aimé ce bouquin, le Métro Boulot Chino. Ouais, ça pose plein de questions sur l'écologie, qu'est-ce qui est polluant, qu'est-ce qui est chimique, machin, etc. C'est un bouquin qui est assez rigolo, parce que c'est une suite de textes qui ont été produits dans le cadre d'une polémique sur un texte de François Ruffin. Ensuite, il y a PMO qui a saqué, ensuite il se défend, et ensuite. Et il y a toute une série de textes qui sont tous assez intéressants. Et moi, quand je les ai lus, je me disais, ah oui, il a raison et tout. Puis je lis le texte qui le défend, et puis, ah oui, lui aussi, il a raison un petit peu. Et du coup, c'est une polémique dans laquelle il n'y a personne qui a tout à fait raison, personne qui a tout à fait tort, et qui pose des questions qui sont en effet assez insolubles à l'endroit où on en est, quoi. Et c'est un bouquin qui a à peu près ce format, et qui, je ne sais pas si vous l'avez en librairie, mais c'est en effet la même maison qui a fait les deux. Ouais, c'est. On pourrait vérifier dans la base. Ouais. Donc, oui, on peut continuer comme ça, de manière informelle, si ça vous dit. Bon, bah, il y a à boire. Il y a à boire. Si on fait ça, on vous met à contribution pour empiler les chaises de ce côté, si vous voulez bien.